fil, smartphone, manga, jeux vidéo, internet, high-tech, animé, console, série, rétro ou néo. Mais Geek et moi. Salut à tous, c'est Only4Gamies et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mais Geek et moi, épisode numéro 9. Épisode en compagnie de Jimbo Seb, excuse-moi, je t'en prie. Bonjour à tous. Gizmo. Salut à tous. Et un invité, Mathias. Salut. Voilà, pas à tous, juste, ok, très bien. Non, pas de problème. Je dis pas bonjour à tout le monde. C'est bien, faut être sélectif. Donc avant de commencer, je rappelle, comme d'habitude, que tous les épisodes sont téléchargeables sur toutes les applications de podcast, ainsi que disponibles sur Spotify. C'est en diffusion sur la web radio, j'ai jamais réussi à le dire ce putain de mot, playgeek.fr, tous les vendredis soirs à partir de 21h, et vous pouvez nous suivre sur Instagram, Twitter et sur notre page Facebook. Un Discord est également disponible, tous les liens seront dans la description de l'épisode. Et pour commencer, nous allons faire la présentation de l'invité. Donc salut Mathias. Salut. Bienvenue avec nous. Bienvenue Mathias. Salut Mathias. Donc tu vas avoir droit au petit quiz de l'invité. Allez, c'est quelques questions. C'est bon. Très rapide. Tu t'es préparé? Alors c'est parti. Première question. Présente-toi en quelques mots. Alors je m'appelle Mathias, j'ai 24 ans, je suis geek depuis pratiquement que je suis né. Et puis voilà, j'ai... Il était mignon dans sa gigote de Star Wars. Je suis un petit Yoda. Ouais. Non, après, que dire de plus, j'ai commencé à jouer sur la PlayStation 1. Ah oui, tu t'es bien préparé, parce que c'est une question qui allait arriver. Ah, tiens, mais vas-y, je t'en prie. Ton parcours geek, du coup, vas-y. Mon parcours geek... Sur la Play 1. Ouais, j'ai commencé par la Play 1 avec Crash Bandicoot. Ouais. Puis ensuite, j'ai eu ma première console qui était la PSP, parce que c'était bien plus longtemps après. Et quand t'étais en âge d'avoir des thunes. Exactement. Ou, peut-être pas des thunes, mais... Mais les parents étaient là, donc ouais. C'est pareil. J'aime, par contre, il précise pas un truc super important, ouais, quand même. C'est ça, exactement. Exactement, non, c'est vrai. Tu es juste le petit frère de Gizmo. C'est ça. Ouais, bon, exactement. Il voulait peut-être le cacher. Hein. Je peux comprendre. J'avais un peu honte, mais bon, maintenant que t'en parles, tout le monde le sait maintenant. Bah, tu seras notre plus jeune invité qu'on ait eu. De toute façon, on en a eu que deux. On a eu que d'autres, on n'est pas forcé. Mais on n'a pas été plus vieux que nous. Pas encore. C'est vrai. On essaie. Hein. Donc, ton parcours geek, voilà, t'as commencé donc sur la PlayStation familiale, avec des gros guillemets. C'est ça. Bon, j'imagine que ton grand frère devait te dire assez, ah, bon, tu dégages, j'ai envie de jouer. Ouais. Il cachait même les manettes. Ah, c'est bon, les dossiers. Oui. Oh, le DOS, ça balance. Le petit bout de la manette pas branché, on l'a tous connu. Ouais, c'est vrai ça. Et du coup, tu es aussi collectionneur. Exactement, ancien collectionneur. Ancien collectionneur. Je te remercie parce que tu peux avoir des trucs du coup quand t'as arrêté. C'est important. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Donc pour ton parcours, c'est bon. Alors maintenant, réfléchis bien. Je voudrais ton jeu, ton film et ta série préférée. Alors je vais dire Devil May Cry. Ouais. Ensuite, tu m'as dit ton jeu, ta série. Ma série, je vais dire The Sand. The Sand, ah ouais. Ouais. Très bien. Et. Ton film. Mon film, Avatar. Ah ouais. Bon, c'est un bon choix. Non, mais c'est bien, c'est cas. J'aime bien quand ça arrive comme ça. Que du geek. Bah ouais, de toute façon. Hein. Ensuite, ton personnage préféré. Mon personnage préféré. Alors, il n'est pas vraiment connu, il n'est pas tellement présent, mais c'est les petites aliens dans Toy Story. Ah, si je les vois, c'est avec trois yeux là. Exactement. Ça fait deux invités, deux personnages favoris dans Toy Story. Ouais, c'est clair. On a eu Buzz l'éclair et les espèces d'aliens de la patate. C'est rigolo. Ouais, ouais, c'est on comprend pas ce qu'ils disent. On choisit même si, nos invités. Si. Fais gaffe, la prochaine invitée sera peut-être ton autre frère. Alors, oh merde. On va faire toute la famille. Le fan de Woody. Non, je crois que c'est la bergère, mais bon, on verra bien. Ok, donc on a fait le tour, et dernière question, t'es prêt à participer à l'émission? Je suis prêt. Donc c'est parti, on enchaîne sur la suite. Et voici les news que Seb va nous présenter. Allez Seb, c'est à toi. Donc cet épisode, on a sélectionné quelques petites news qui ont eu lieu entre l'épisode précédent et maintenant. Et on va commencer par un événement qui a lieu chaque année, la Gamescom 2019. Oui, qui a lieu où? En Allemagne, à Cologne. Très bien. J'ai révisé. Donc la Gamescom, ça a été l'occasion, comme chaque année, de voir des sorties de jeux ou des plus sur les jeux à venir. Ouais, on en a relevé tous quelques-uns, je pense. Tous enchaînent, parce que là, en ce moment, il y a le TGS qui commence au week-end. Oui, aussi. Donc on est en plein Tokyo Game Show. Donc bah, c'est pareil, j'ai fait deux petites sur le Tokyo Game Show. Mais bon. Ah ouais, d'accord. Donc moi j'ai relevé d'abord les Dragon Ball Z Kakarot. Durant la Gamescom 2019, on nous a révélé qu'il y avait l'arc Cell, et plus récemment dans le Tokyo Game Show, ils nous ont révélé qu'il y avait l'arc Boo. Ouais. Rien d'étonnant. Et on a vu la Super Collector aussi qui est passée à 230 balles. Voilà. Okay. Et un Season Pass, que je vous ai envoyé un message, ça franchement, un Season Pass. Vas-y, va te pendre, je l'achèterai pas. C'est Bandai Namco, les produits Season Pass. C'est la mode. Mais ouais. C'est quoi le Season Pass? Si c'est rajouter un morceau d'histoire, je le prends pas à ce moment-là. J'achète un jeu pas complet. Parce que ce sera détenu, tout ça, on sait pas en fait. Ouais, ben voilà. Donc, ça me stresse. Et on a aussi une date de sortie du coup qui sera le 17 janvier 2020. Voilà, bah donc rendez-vous en janvier 2020 pour voir si c'est du caca ou pas. Voilà. Par rapport au dernier, c'est sûr. Pourquoi? C'est quoi le dernier pour toi? C'était FighterZ. Oh, il est bien. Oh, j'ai été extrêmement déçu. C'est vrai? Bah, ils ont changé totalement le gameplay. On s'attendait à ce qu'on puisse faire tendre les anciens Budokai. Ah, c'est vrai, tu peux pas voler, je crois. Tu peux pas voler, non, exactement. On a plus l'impression de jouer à un Street Fighter qu'à un Dragon Ball Z. Ah, attention, c'est devenu un vrai jeu de baston. Et ouais, voilà. Ouais. C'est le studio de Guilty Gear, j'ai plus le nom. Oui, c'est ça. Art. Oh putain. Ah, j'ai pas le nom non plus. Oh, ouais, mais c'est con, il est connu. Ouais. Bref, ouais, ouais, je suis d'accord, c'est le petit truc qui me manquait moi aussi, le fait de pouvoir voler. Il y aura aussi dans ce jeu les musiques originales qui sont remasterisées. Ce sera les vraies musiques d'époque, du japonais, je pense, oui, de la série japonaise. Oui. Enfin, voilà. Ça, c'est sympa. Donc, ouais. En numéro 2, j'avais noté qu'on a vu un peu plus d'images de Dead Stranding d'Hideo Kojima, que moi personnellement j'attends. Que moi personnellement, le trailer il m'a fait flipper sa mère. Par ça, c'est le coup quand il pisse qui t'a fait flipper. Ouais, les champignons là, quand on pisse, c'est chelou. Ouais. Mais même le bébé, c'est bizarre. Hein. Déjà, le fait d'avoir un bébé juste pendant un an parce que c'est les seuls à voir les trucs démoniaques, c'est bizarre. C'est bizarre. On va voir. Faut le coup de l'échelle aussi, ça a été pas mal critiqué. L'échelle. Ouais. Tu l'as vu l'échelle? Ouais, j'ai vu l'échelle. Ça... Moi, je trouve que c'est plutôt pas mal que tu choisis où tu veux la mettre. Oui. Bon, pourquoi pas? C'est le côté pratique. Mais bon, ça a l'air d'être étrange, alors à voir ce qu'il y a à faire dans ce jeu. Je dis, j'attends pour voir si Hideo Kojima peut sortir de Metal Gear Solid et faire quelque chose d'autre. Tu l'as dit dans un des derniers podcasts, c'est vrai, t'es toujours sur cette impression, c'est très bien. Ensuite, j'ai noté des jeux aussi qui n'étaient pas annoncés déjà, comme je l'ai noté pour toi celui-là. Vas-y. C'est Kerbal Space Program 2. Tiens, regarde, il est marqué là en premier, tête d'avis. Ah ouais, déjà là, il était excellent, de ce petit studio mexicain, une super simulation d'exploration spatiale. Me tarde de voir ce que donne le 2, mais bon, sur PC quoi. Fallait monter ta fusée, arriver à la faire décoller, arriver à ne serait-ce qu'aller Et puis au fur et à mesure que tu faisais tes découvertes, parce qu'au départ t'as juste un moteur bidon et des trucs bidons, et au fur et à mesure tu gagnes des points de science, ça permet de développer ton entreprise spatiale. Le but du premier, c'était d'atterrir sur la Lune. Tu pouvais aller beaucoup plus loin. Aller beaucoup plus loin, tu vois, j'étais pas prêt. Tu as oui, une première phase d'amumissage, parce que c'est les munes, donc ils vont sur la mune. Oui. Mais après, tu pouvais, non, t'avais un système solaire entier, tu pouvais aller jusqu'au système solaire. Ça peut être long. Ah bah, autant aller jusqu'à la lune, c'est facile, autant y atterrir, j'ai pas réussi. Je me suis crashé tout le temps, je vais trop vite, j'arrive pas à ralentir le vaisseau. Bon, bref, mais en tout cas, super jeu. Bonne simulation de spatiale, en tout cas. Ensuite, j'ai noté Predator Hunting Ground. Donc, si vous vous rappelez, ils ont sorti Vendredi 13 il y a quelques années de ça, où tu devais, en fait, t'avais un personnage qui jouait Jason, un personnage qui jouait les moniteurs du camp, et il fallait que Jason bute les moniteurs, et ainsi de suite. Bah, là, ça va être un peu le même principe. Un personnage jouera le Predator, et les autres joueront... Il y a eu Vendredi 13 et le jeu où on a joué aussi Deadlight, non? C'était pas ça? C'était... On avait un truc dans ce truc. Un truc comme ça, ouais. Dead Time, Ça me fait penser à Evolve aussi. C'est le genre de concept de gameplay asymétrique. Faut voir si c'est maîtrisé après. Voilà. Donc moi je mets des réserves dessus. Oui, mais il y a un autre jeu après, on parlera, on émettra des réserves. Oui, aussi. Ce genre même de gameplay. Ah, c'est ça. Ensuite, Need for Speed Heat. Celui-là, je l'ai marqué. Ah bon? Alors c'est quoi les nouveautés de Need for Speed? Je peux. Oui, vas-y, je te laisse. Ce que je sais, il sortirait le 8 novembre de cette année, avec près de 130 véhicules. Tu pourras faire des courses de jour et de nuit. Ouais. Et apparemment, ils voudraient renouer avec tout ce qui est underground en fait. Ah, bah alors là, ça me parle, tu vois. Les grandes années de Need for Speed pour moi. Ah, bah moi, c'est les seules qui me plaisent, donc au moins c'est réglé. On est d'accord sur ça. Donc à voir. Hit, ok. Pour ma part, le dernier que j'ai noté, c'est Pacer. Un Wipeout-like. Pas du tout. J'ai vu des images, ça a pas l'air mal du tout. Alors, je suis assez fan de tout ce qui est Wipeout. Mais là, j'avoue que je suis assez curieux, je demande à en voir plus. Voilà, ça m'a intrigué. Bah moi, la Gamescom m'a rendu indifférent. J'ai noté 2-3 jeux, c'est tout. Mais t'as pas parlé de Control. Mais bon, il était peut-être pas présenté à la Gamescom. Ouais, non, j'ai pas voulu reparler de Control. Parce qu'il est sorti récemment de Remedy, là, bon. Pareil, il y en a qu'un en chaud et froid, parce qu'il y en a, il dit c'est trop répétitif, c'est pas aussi maîtrisé que les anciens jeux de Remedy, bon. Moi aussi j'étais chaud et je suis beaucoup moins chaud. Ouais. Voilà. De toute façon, il y a d'autres jobs bien meilleurs à jouer en ce moment. On en discutera après aussi. Est-ce que c'est tout pour vous, messieurs? Je vais pas mettre. Ouais, j'avais noté quelques jeux, mais. Vas-y. Je vais pas parler de Cyberpunk parce qu'on en avait déjà parlé. Et on en a trop parlé aussi. Moi, j'ai noté un jeu, alors ça va peut-être vous étonner, Humankind. Humankind, ça me dit Humankind. Quelque chose, j'en ai entendu parler. C'est un jeu développé par Ubisoft, qui sortira en 2020 sur PC. Alors ça te donne la possibilité de réécrire l'histoire de l'humanité, en fait. Ah, oui. Tu retraces l'histoire de l'humanité comme civilisation. Oui, voilà, c'est ça. C'est et ça tu passes d'âge en âge, et tu peux affronter différentes civilisations et tenter de les développer. Oui, et en plus, l'avantage, c'est que tu peux rester ou dans ta... Bah, tu vois, ça me brûlait en tête. Tu peux rester ou dans ta civilisation, donc éliminer les autres, ou tu peux faire du métissage avec les autres civilisations et gagner plus de points et t'étendre plus vite. Ça m'intéressait, tu vois. Mais sur PC. J'ai pas ce qu'il faut, mais... Ouais, mais attends, Ubisoft, oh là, t'inquiète, ça sort sur PC, ça va arriver sur PlayStation et Xbox, c'est tout le bordel, argent. Sinon, j'ai noté que The Witcher 3 allait sortir sur Switch le 15 octobre. Ouais, ouais. Il y a eu de grosses concessions de fait niveau technique. J'ai vu que Sony rachetait Insomniac Games. Exact. Oui, je vais pas noter, mais très bien. Ouais. Qu'est-ce qu'ils ont fait déjà, Insomniac? Spider-Man. Ah, oui. Ouais. Ouais, bah, ils étaient pratiquement PlayStation. Bon, c'était Sony presque, ouais. C'était pas une grande surprise non plus. Pour moi, ça sera tout pour Mathias. Okay. Pas plus de... Non, j'avais pas plus, parce que je pense qu'il avait pas été communiqué que à la Gamescom, mais bien avant, Final Fantasy VII en remake. Ah oui, oh. T'inquiète, il y en a un qui suit l'affaire. On a eu un nouveau trailer d'ailleurs. Ok, parce que là, il te parle des collecteurs qui sont à 230€ Dragon Ball, ça l'emmerde pas, ça l'emmerde. Mais peut-être quand ça sera Final Fantasy à 200 balles, il va y aller. Bah bien sûr que non. 200 balles, c'est qui disait c'est presque le prix d'une console. Je te dis, mais 230€, je suis pas un pigeon, c'est bon. Allez, les collecteurs, c'est bien pour les collectionneurs, tout ça. Ouais. 230€. Même 200 balles. Et ça va marcher en plus. Et ça va se vendre. Mais comme je disais à Seb, le jeu à Leclerc à 45€, il suffira. Mais bien sûr, je suis d'accord avec toi. Je suis un gros fan de Dragon Ball, il n'y a pas de souci. Et t'as vu la gueule de Son Goku sur la collector? La gueule qu'il a, on dirait un débile. Ouais. Non. Bah ouais. Ouais, t'as bien fait de parler de ça, toi. T'as lancé un sujet difficile. Non, j'ai vu le nouveau trailer aussi, ça a l'air super joli. Mais je suis mitigé. Quand plus je vois le système de baston, moins j'ai envie d'y aller. Donc bon, mais bref, c'est un ressenti personnel. Je te laisse enchaîner sur la suite. Alors la suite, ça fait du bruit. Spider-Man quitte le Marvel Cinematic Universe, plus précisément. Sony, qui a les droits de Spider-Man, reprend tout et ne laisse plus rien à Disney. Et ça leur fait la bite. Et ça a fait mal. Donc, effectivement, il n'y avait pas de Spider-Man prévu pour la phase 4. Ça, c'était réglé de façon d'avance. Mais il devait revenir dans la phase 5. Et en fait, Disney, qui a voulu une plus grosse part du gâteau, clairement, il voulait récupérer plus d'argent des films Spider-Man, ça n'a pas plu à Sony. Donc, les négociations ont totalement échoué. Elles ont repris, mais elles ont vraiment échoué. Et du coup, Sony a dit... pour le moment, il fermait la porte à toute négociation. Pour le moment. Oui, t'inquiète. Donc, pas. Quand ça peut-être appâter le poisson. Bien sûr. Voilà. Mais bon, je tiens à dire que les films Spider-Man jusqu'à présent, ils sont pas faits par Disney. C'est Sony qui a toute la main dessus. Voilà. Disney récupère juste une part des films. C'était pour les inclure dans les Avengers. Voilà. Ça. Mais sinon, les films Spider-Man, ils sont très bien sans appartenir à Disney. Enfin, toi qui regardes ça, tu vois. Oui. Voilà. Ça a commencé pour faire le film, pour inclure Iron Man dedans. Je peux le comprendre. Voilà. Je peux comprendre, mais. Moi, je suis pas fan, ça me fait ni chaud ni froid. Mais bon, l'aventure ne se termine pas pour Spider-Man. Non, Tom Holland reste le Spider-Man, le prochain Spider-Man. Et le réalisateur aussi, je crois qu'il reste aussi. Le réalisateur reste. Voilà. Alors après, Tom Holland, c'est rigolo, il a fait un petit peu son petit caprice, parce qu'il est très proche de certains acteurs d'Avengers, tout ça. Donc, il a boudé Sony sur les réseaux sociaux. Il les a... pour faire un, je pense, pour faire un petit appel de dire moi je voudrais rester. Moi je serais lui, je n'aurais pas ça. Parce que bon. Non. Et nul n'est irremplaçable. On a pu le voir aussi passer ses vacances avec Robert Downey Jr. aka Spider-Man. Iron Man. Avec la coque et les putes. Ouais, j'ai vu ces images aussi. C'était un peu choquant. Donc voilà. Donc moi personnellement, je pense pas que ça peut tuer la licence, tuer cette partie de Spider-Man avec Tom Holland. Hein. Oh non. Ils ont déjà confirmé deux nouveaux films. Ouais, donc. Et un crossover avec Venom. Après, comme on disait la dernière fois. De toute façon, c'est la licence Spider-Man. Donc, forcément. Et après, comme je disais la dernière fois, de toute façon, c'est bien, ils ont fait l'Avenger, ils ont mélangé des super-héros. Il faut pas en faire trop non plus. Non, bah oui, c'est ce qu'on disait, c'est bon. Donc ce serait peut-être un laissez-les tranquille. Mais non, je suis d'accord. Par contre, là, avec Venom, ouais, j'aimerais bien avoir à approfondir cette histoire de Venom, Carnage, tout ça, parce que dans Venom, en fait, tu t'en entends pas parler, quoi. Ça Venom reste un ennemi de Spider-Man. Ouais, bah, super important. Ouais, ouais. Ce qu'ils ont fait dans le troisième film avec Tobey Maguire, c'était naze, quoi. Moi, je l'ai pas vu. Si, tu l'as vu. Si. C'était il y a très longtemps. C'était il y a très longtemps. Ah, c'est pas le film Venom. Celui-là, je l'ai vu. Mais... Non, non, pas le film Venom. Il m'a plu. Spider-Man 3. Je me rappelle pas. Ouais, c'est pas la moi, j'attends Venom, anti-Venom, le contrôle du corps de. De Tony Parker. Ouais. De Tony Parker. Ouais. Peter Parker. Tony Parker, c'est le basket. Non, c'est un mélange entre Iron Man et Spider-Man. Vous avez vu, il fait des guises. Ouais, c'est vrai. Donc, ouais, ouais, non, ça risque rien. Spider-Man sera toujours là encore longtemps. Mais dans le premier film Venom, Tom Holland avait effectivement tourné une scène avec Venom. Ah ouais. Sauf que quand Disney a appris ça, ils ont supprimé la scène. Et du coup, il n'a jamais apparu dans ce film-là. Oui. Ah merde. Ouais. Parce que je savais pas, Disney n'était pas d'accord sur ce point-là. Voilà, parce que Disney a repris Spider-Man, mais n'a pas repris Venom. Venom appartenait 100% à Sony. Ouais, ouais. Et ça leur fait la bite. Alors, voilà, ça découle peut-être aussi de la guéguerre qui est actuellement. Oui. Hein. C'était même déjà prévu bien à l'avance parce que Amy Pascal, l'ancienne présidente de Sony, elle avait parlé en 2015 pendant une convention. Comme quoi en 2017 après le film Homecoming 2 ça se finirait sûrement là-dessus après d'accord. La sortie du film oui, ce qui est le cas ouais pour le moment de toute façon le Spider-Man verse à lui tout seul il voit pas Avenger mais voilà c'est un gros univers hein. Rien que je regarde le dessin animé où tout le monde a des pouvoirs de chauve-souris j'allais dire d'araignée laisse tomber c'est clair donc ouais. Fortnite End Hashtag Fortnite End. Donc le jeu à succès d'Epic Games Fortnite doit faire face à une révolte sans précédent des fans. L'une de ces raisons de la colère des fans, une mise à jour qui a été apportée au Battle Royale du jeu et donc qui a fait l'objet du fameux hashtag Fortnite End. Ce dernier très largement repris sur les réseaux sociaux et a encouragé le boycott de la franchise. On en a parlé un peu sur Messenger et les joueurs sont des grosses merdes et les influenceurs aussi d'ailleurs parce qu'ils incitent les gens à faire ça mais alors dès qu'ils sont retournés leur veste Epic, vous aussi vous êtes des merdes d'ailleurs parce que vous auriez dû garder le jeu dans l'état et bien ils ont pas désinstallé le jeu hein. Non, quand tu gagnes 1 million de cash price fais avec, hein, laisse c'est tomber clair. Donc c'est les joueurs et Epic c'est des merdes, voilà point voilà. Par raison non j'ai pas de commentaire. Bah t'es d'accord avec moi. Oui, non, mais ils veulent tout. Mais oui, ils veulent tout. Après, c'est un jeu qui est gratuit, donc déjà, c'est déjà très très bien. Mais bien sûr. Donc après, le développeur du jeu, il fait ce qu'il veut. Bien sûr. Et surtout, ça plaît pas. Et eux, qu'est-ce qu'ils font? Enfin, on négocie pas avec les terroristes, les mecs, je sais pas. Mais sans déconner. Non, mais t'as raison, c'est ça. T'as raison. Tout ça parce que ils pouvaient pas faire de turbo build, voilà. Tu sais, ils pouvaient pas construire à toute vitesse. Voilà, tu t'adaptes au jeu. Hein. Voilà, c'est un mode de jeu. C'est un mode de jeu, c'est pas le jeu. En plus, oui, c'était juste un mode. Ouais, mais tu sais, t'as pas vu les vidéos où les mecs ils construisaient à une vitesse, ils courent en même temps et tout. C'est des ouf. Oui, mais ils sont pas contents, ils vont s'acheter Apex. Et ils seront contents du voyage. Non, mais je suis d'accord. Et encore, c'est encore un jeu gratuit, ils vont se faire. C'est ce que j'allais dire. Mais je suis pas content vers les influenceurs où ils t'incitent à désinstaller le jeu, mais ils l'ont jamais désinstallé, mais, tu bien vois. Bien sûr. Et Epic marche dedans. Et puis, il y a en plus, ils trouvent une excuse bidon en disant que, en fait, l'ancien mode de construction, ça faisait laguer un peu le jeu, donc c'est pour ça qu'ils avaient réduit la vitesse. Enfin, ils ont essayé de se dépatouiller de ça. Ouais, ils ont vraiment flippé. Epic a vu le boycott, a duré quoi, même pas une journée. Ouais, c'est ça. Le lendemain, ils avaient fait. C'est ça, quoi. Voilà, c'est gros blaireau. Voilà. Ils ont vite, très très vite, baissé le pantalon. Ouais. Bah voilà, bah tu vois, je pensais qu'on en parlerait. C'est juste qu'ils n'ont pas fait le lien, tu vois, ils se sont dit, oh putain, pendant une journée, personne n'a dépensé sur Fortnite. Mais ils avaient oublié que c'était la rentrée des classes. Oui, en plus, ça s'est fait. Ouais, mais en France. C'est vrai que la France, déjà. Ouais, putain, personne télécharge. Bah oui, il n'y a plus les drôles. Laisse tomber, ils sont à l'école. On s'était fait avec Guise la remarque, on fait une petite aparté. On joue à Fortnite pendant les vacances scolaires, on se fait défoncer de tous les côtés parce qu'il y a tous les drôles qui sont dessus, ils sont gavés forts. On joue quand ils sont tous à l'école. Je dis pas qu'on gagne tout le temps, mais c'est plus facile. C'est plus facile. Bande de vieux, arrêtez de jouer à ce genre de jeu, c'est pas pour vous. Je sais qu'il y a un jeune, il m'a dit, mais de toute façon, je lui dis Fortnite, j'y arrive pas. Et de toute façon, passé un certain âge, vous avez plus de réflexes. Il me dit, sérieux? Mais il a raison. Je crois qu'il a pas tort en plus. Il me dit, le bon âge pour jouer à Fortnite, c'est 16-17 ans. Après, ouais. Quand tu veux, je te prends un Tetris. Ouais, bref, autre chose. Petite news triste qu'on a appris il y a quelques semaines. Ariane du club Dorothée nous a quittés. Ça a été annoncé par ses enfants Tristan et Léonore. Ariane Carletti nous a quittés donc le 3 septembre dernier à l'âge de 61 ans des suites d'une longue maladie. Voilà. Cancer. C'est un cancer. Qui a duré 20 ans apparemment. Quand même. Qui a duré très longtemps. C'était un cancer qu'elle traînait depuis pas mal de temps. Donc voilà. Elle a une belle vie, c'est dommage pour elle. Allez, c'est bon, tu peux passer à la suite. Non, mais... Ah non, franchement, après, ça a attisté pas mal l'univers parce que ben, c'est notre enfant. Oui, ouais, c'est bon, les gens, ils vivent, ils meurent. Je la connaissais pas, j'en ai rien à... Voilà, bref. Ça a un peu marqué toute une génération, ce qui est normal. Imagine le jour où Dorothée va partir, je pense que... Je reprendrai deux fois du gâteau, comme d'habitude. Quelqu'un meurt parce que je fête ça. Donc, avec trois bières. Allez, je reprendrai plutôt trois fois des bières. Non, du coup, c'est pas trois. Ça a même lancé quelques petits débats sur les gens un peu plus jeunes. Alors, je sais pas si toi, Mathias. Je ne l'ai pas connu. Mais non, ça a lancé quelques débats. Les jeunes qui disaient, ouais, de toute façon, le club Dorothée, ça vous a abruti et tout machin. Alors, moi, personnellement, je trouve que aujourd'hui, c'est vachement moins intéressant pour les gamins ce qu'ils ont eux que ce qu'on avait nous. Ouais, non, on avait des présentateurs, on avait des gens, des êtres humains qu'on pouvait, tu vois, voir. Là, ils enchaînent les dessins animés, les pubs comme... Que les anciens concepts fonctionnent tellement pas que maintenant, il y a les minicum. Ils ont refait les minicum. C'était le coup de gueule de Miguel et moi. Ouais, donc bref, c'est triste, et puis c'est toujours triste de voir ces... Ouais, manque de peau en vie, manque de bol en vie aussi, c'est pour ça. Ceux qu'on a connus, ils meurent. Il y en a qui partent, il y en a qui restent. Il y en a qui partiront. Voilà. Après, c'est une page qui se tourne. Total. Mais déjà, Club Dorothée, c'était déjà fini. Ah oui, malheureusement. C'était fini depuis trop longtemps. Allez, tourne la page, vas-y. Allez, et le dernier sujet du mois, c'est Resident Evil, Project Resistance. Donc, c'était le fameux Project Resistance qui devait être annoncé. On sait que ce sera un jeu qui sera en 4 contre 1. Donc, du même principe que ce que tu disais tout à l'heure. Oui, gameplay asymétrique. Predator. Ouais. Il y aura d'un côté un Mastermind qui préparera la zone pour... affronter donc les 4 humains qui essaieront de survivre, tenter de résoudre des énigmes et de s'échapper dans un temps imparti. Ouais, mettre les pièges, les monstres. Mettre les pièges, placer les monstres et tout ça. Apparemment, le Mastermind, c'est Mister X. Mister X, alors je sais pas. Enfin, c'est ce qu'on voit dans le trailer. On voit dans le trailer Mister X, mais après, de là à dire que c'est lui, je sais pas. Oh non, non. Non, non, parce que dans le trailer, tu vois un gars qui est aux manettes, et j'ai plutôt l'impression qu'il met Mister X sur leur Il ouvre la porte. Il a les yeux rouges, je sais pas si c'est pas lui qui le contrôle du coup à la fin. Si, c'est lui qui le contrôle. Voilà. Dans le jeu. Le Mastermind peut contrôler les. Sinon il se fait un petit peu yèche. Hein. Oui, ça peut être marrant d'envoyer quelques écorchés là dans quelques couloirs. J'ai joué à Evolve, j'attends de voir comment ça sera fait. Evolve, c'était. C'est le même concept. Voilà, après on a le moteur de Resident Evil. Et Seb. Ouais, mais. Evolve, c'est un super jeu. C'est toi qui me l'as fait acheter. Il faut trop qu'on se le trouve. Mais c'est toi qui l'as acheté. Il faut trop qu'on se le trouve. Ouf, toi. J'ai dit, vas-y, je l'achète. Et quand je l'achetais à 6€, tu vois, c'était déjà c'était un signe. 6€ un jeu, mais je crois qu'on s'est connecté une fois. Ouais, et j'ai dû connecter une autre fois tout seul. Peut-être moi aussi. Et je ne le regrette pas. C'est rentabilisé deux fois, c'est bien. Oh, 6€, ça va. 3€ la partie. À voir ce que ça donne. Ouais. Bah moi ça me laisse un peu froid, j'ai l'impression de voir du Left 4 Dead mais en moins bien. C'est pas le même truc après. Ouais. Je sais pas. Sachant que chaque perso aura ses caractéristiques. Il y aura un healer, un gars qui frappe de près, un qui peut pirater. Et donc ce que je disais, donc ça peut être aussi bien de la com mais faut aussi. En fait faut juste que t'arrives à la fin. Si toi t'arrives à la fin mais que tes potes y arrivent pas, t'as gagné toi, tant pis pour eux, tu vois ce que je veux dire? D'accord. Donc ça. Tu peux réanimer tes collègues, mais si, par contre si tu meurs, tu repars depuis le début. Ok, bref, j'attends de voir. Il y a une bêta qui va se lancer, une bêta fermée. J'ai essayé de m'inscrire, c'était l'enfer, je l'ai pas fait. Par contre, ce serait un jeu qui serait bien qu'il mette au moins le premier niveau, un niveau à disposition en démo, tu vois. Histoire de voir vraiment ce que ça donne, de pas acheter ça les yeux fermés, parce que moi je le sens pas. C'est tout. Voilà, c'était tout pour ce mois-ci pour les news. Ah, pas mal de news ce mois-ci, en tout cas on aura bien débattu et on enchaîne sur la suite. Et nous voici pour le checkpoint présenté par Guise. Vas-y, on voit la sauce pour lui. Allez, c'est parti, je commence. Bon, ce mois-ci, ça a été un peu du grand bordel. J'ai fait de tout. de films, des applications, de la PS4, etc. J'ai repris Beat Saber. Je me suis acheté le DLC de Imagine Dragons que Seb et notre invité Mathias, alias mon frère. Ouais. Alias my brother. Alias moi, j'ai pas pu parce que j'étais pas là. Voilà. Et Seb, qu'est-ce que t'en penses? Ah, j'ai adoré. Parce que, comme tu disais, en fait, de pouvoir jouer sur une des chansons que tu connais, bah, c'est autre, ça donne un autre aspect au jeu, bien tu vois. Sûr. T'as le tempo, t'as le rythme, t'as la musique. Je me suis presque mieux débrouillé que sur les autres chansons à un niveau supérieur. Donc non, c'est sympa. J'aime bien. Donc un DLC facile, si ouais. C'est limite ça. Dans le mode. Oui, bien sûr. J'ai testé No Man's Sky en VR que tu m'as prêté. Ouais. Donc, bon, j'ai pas joué pas plus poursuivi. De temps, mais c'est. Je pense qu'il faut poursuivre parce qu'il y a du. Il y a du. Je suis sûr. Il y a du. Il y a de quoi se faire plaisir en fait. Déjà le peu de temps que j'ai joué. L'environnement et tout. L'immersion dans le vaisseau. Et toi, t'as commencé direct en VR. Oui, direct en VR. Et non, c'est pas mal. Ouais, je suis pas déçu. Le problème, c'est qu'il y a trop de jeux. Voilà. Ouais. Bah, je poursuis sur des jeux. Ouais. Silento VR. Silento. Que mon frère Mathias m'a offert pour mon anniversaire en août. C'était le truc de Sekiro, ça. Silento. Ah oui. C'est putain, le truc des ninjas. Ouais, pas moi qui dis Sekiro, c'est ma pote. C'est un jeu de tir à la première personne en réalité virtuelle qui est développé par un truc bizarre. Tu diras pas de nom. Singaporean, je sais pas quoi là. Singapour. Bref. Un studio de Singapour. Singapour. Il a été publié par le programme Early Access de Steam en décembre 2016 déjà. D'accord. Et il est sorti que en juillet. Il était greenlighté donc. Voilà. C'est dur à prendre en main quand même. Ouais, Mathias, il a joué tout à l'heure et il a réussi à. Ouais, ça, ouais. T'as un sabre. T'as un sabre. C'est pas mal. D'accord. Si quelqu'un a un VR, je le conseille. Je me suis fait Hellblade que j'ai commencé, je l'ai fini. Hellblade Senua's Sacrifice. Tu l'as déjà fini? Ouais. Bah, il dure combien de temps aussi ce jeu? Je sais pas, il y a 10 heures de jeu. Alors, c'est un, je sais pas si vous le savez, c'est un jeu vidéo développé par Ninja Theory. Oui. Est-ce que ça vous parle, Ninja Theory? Oui. Ça vous parle? Moi, oui. Ça ne me parlait pas. Mais c'est pas ceux qui ont fait Vanity World. Yes, exact. Ouais. Oui, ils font plein de gros jeux comme ça. Et qui ont fait Devil May Cry. Devil May Cry. Ouais, DMC. DLC Devil May Cry. Oui. C'est pas un c'est canonique. Pas pareil, ouais. Ouais. C'est bon ça. C'est vrai. Hein, c'est mais vrai. Oui, oui. Ouais. Putain, ils sont casse-couilles ceux-là, même pas dans mon checkpoint. Bref, s'il est sorti en 2007 ce jeu. Et 2017, pardon. Ah. 2017, il est très très bizarre. Ouais. Un peu, t'es un peu dans l'univers de God of, du dernier God of War. Les dieux antiques, grecs et tout ça. Ouais. Mais en fait, tu te bats contre les ténèbres, mais en fait, les ténèbres, c'est dans sa tête. En fait, au final, elle se bat contre elle. Enfin, c'est. Oh, c'est une mise en abîme, il y a une réflexion ouais, derrière. Une réflexion très poussée. Et par contre, tout le long du jeu, t'es tout seul. Et t'as des. En fait, il n'y a pas des voix qui te parlent. Voilà, t'as voilà. Des voix. Et en fait, ils te conseillent d'écouter le jeu avec un casque Dolby 5.1. Parce qu'en fait, des fois, t'entends à gauche, des fois, t'entends à droite. Et ça te parle constamment. Une très bonne spatialisation du son. 3D, je sais pas. Binaural. Binaural, bien vu. Je connaissais pas. Bon, il est pas mal. Bonne expérience. Mais. C'est pas pour cette technique. C'est une merde. Non, t'aimes pas les jeux qui font peur. Non, j'ai pas marqué, mais je viens d'y penser. Et Monster Hunter Iceborne. Ah, oui. Qu'on a récemment. Que t'as crisé comme un fou et tu fais. Ah, oh, il m'a fait rire, il est crise comme un connard. Et il fait. Ah, oh, j'aimerais bien y rejouer quand même. Ah, mais putain, mais pourquoi j'ai payé ça 45 balles, merde. C'est car ça m'énerve, j'ai perdu une heure de ma vie. Moi, j'ai perdu. Moi, j'ai perdu 4 heures de ma vie. De savoir qu'il fallait passer en novice pour trouver ce putain de cristal. Ça d'ailleurs. Alors, mais quand tu le sais pas, mon porc, enculé, j'ai crâné mon porc, putain. C'est boule. Bon, sinon, ouais, l'extension est pas mal. Ouais, j'en parlerai peut-être un peu. Ensuite, bon, pour les jeux, c'est fini. Netflix, j'en avais parlé dans le dernier podcast, et je l'ai fini, la saison 1 de Wu Assassin. Oui. Mais je vous la conseille. Franchement, c'est bien. Il y en a, ils aiment pas. Tu conseilles trop de séries. Mais oui, mais ça, j'aime bien. Tu conseilles beaucoup de séries. C'est. Bref, je reviendrai pas dessus. On passe. Je me suis fait la saison 3 de 13 Reasons Why. C'est un peu relou. Bref. D'accord. C'est ça, on sort du thème de la première saison. C'était le truc avec les cassettes, c'est ça? Voilà. On s'en éloigne beaucoup. Alors du coup, comme je l'ai fait aussi, je te suis, ça sera évitera que je le refasse tout à l'heure. Alors je dirais pas que c'est la saison de trop. Alors, je l'ai pas fini. Je l'ai pas encore fini. Reste mais quand tu la finiras, Ouais. Tu me diras, c'est de la merde. Ah ouais. Voilà. D'accord. Mais ouais, ça. On va pas. Ça sort du charme de la saison 1 et 2, je trouve. Carrément. Et il y a une quatrième et dernière saison de prévu. Je suis toujours sur la saison 4 de Malcolm. Je me suis fait la saison 1 de The Boys, qui est sur Amazon Prime. Tu m'incites à le regarder. Putain, mais par contre, ils sont longs, ces putains d'épisodes. Mais pas, c'est bon. Ouais. Et ils sont débiles. Et je te l'ai dit, ils sont débiles. Ouais, mais... Oh, bon... là. Même Alex a trouvé d'autres solutions pour tuer là, ce con de translucide. Tu peux l'empoisonner. Tu lui fais avaler un truc, il meurt. Ouais, mais... Ouais, oui, oui. Ah ben. Oui, mais bon... Non, bon, bref. Bref. On va pas spoiler le pop-sub. J'ai téléchargé une application grâce à Nours qui s'appelle Enigmox. Ah ouais. De Benoît Freslan. Bien. Et bon, moi je l'ai pas acheté. Mais chaque jour j'ai ma petite énigme gratuite et ça fait plaisir. Même si je suis une grosse brette. J'ai ralenti, j'ai je crois que je commence à avoir une dizaine d'énigmes ouais, en fait. Et après t'as plus d'indices. C'est un truc de malade. Mais super bien fait. Franchement, si t'aimes les énigmes, faut prendre ça. Et parce que tu sais, tu joues avec ton téléphone en fait. Ouais, tu joues avec les fonctionnalités. Dans ta main, donc Mais tu joues avec les fonctionnalités de ton téléphone, d'appareil photo, il faut aller dans, dans les programmes de ton téléphone. C'est... Tu l'as eu celle où il fallait éteindre son téléphone, mec? Oui. Putain, j'ai dit, mais ils sont pas sérieux. C'est jour et nuit ou un truc comme ça. Non, éteindre. Moi, oui, non, mais je veux dire le. Ah, je sais pas. Le nom de l'énigme. Il fallait que j'éteigne mon téléphone, je dis jamais je rallume, ça va pas marcher. Bah si. Non, mais si, mais. Le truc, il a pris en compte que j'avais éteint mon téléphone. C'est énorme. Il y en a un, le mode d'avion, il faut faire le mode d'avion, mais il y a autre chose en plus à faire, ah, putain. Le non, presse-papier à l'envers, tu l'as eu celui-là? Oui, tu l'as. Ouais. Oh, laisse tomber. Bah, si tu te rappelles de la première réponse, ouais, c'est bon, parce ouais, que... Mais oui. Oui. Non, super bien. Prends une photo de toi tout nu. Ah, ouais. 2 cm, tu passes pas. Ah. J'ai commencé un manga qui m'a été offert par ma filleule, qui s'appelle Radiant. Bien, c'est français. Le manga pas ta fille. Eh oui. Oui, non. Elle est française aussi. Oui. Radiant, oui, non, ça te parle. Faut que tu j'ai regardé un peu l'anime aussi. Sur YouTube, je crois qu'il est dispo. Bah, tu me passeras. Donc, ouais. Du coup, le tome 1. Donc, c'est français. Ne dis pas que tu repars dans les mangas. Bien sûr. T'as arrêté les mangas. J'avais envie de repartir dans un manga. Reprends Berserk. Ouais, c'est bien ça. Et après, quand tu arrêtes, tu me le relances. C'est français, ça a été créé par Tony Valant. Et c'est publié depuis 2 juillet 2013 par Ankama Edition. Ankama, d'accord. Ankama qui fait Wakfu, Dofus, c'est Ankama. Et c'est en animé depuis octobre 2018. Disponible sur YouTube, vous pouvez y aller. Sur Crunchyroll, Anime Digital Network. Voilà. Ouais. Vous voulez un peu que je vous raconte l'histoire ou... Bah disons que... Non, oui, j'aimerais bien, mais... Ouais, mais non. Ça sera dans un prochain teaser. Et pour finir... Tu feras une review. Mais au niveau de l'Assassin Royal... Oh, pour le mont tambour. Les news, parce que c'est le fameux point guise. Le mois dernier, j'étais à 3 pages. Je me suis fait 416 pages. Putain. Ah, mais moi, je suis ces programmes live, donc je peux enfin discuter avec un. Et what the fuck. C'est une tuerie, ce livre. Ah. Alors, du coup, j'ai fini le tome 1. Ouais. Donc, j'ai fini le livre. T'as fini le... Non, pas le gros livre, il y a 2 tomes dedans. Ah oui, non, c'est il y en a 3. C'est 3 tomes. J'ai fini le premier tome, ce qui était l'apprenti assassin. C'est ça. Et là, je vais attaquer l'assassin du roi. Non, mais en plus, c'est un livre, t'es dedans. Franchement, au point de vue immersif, je pense que ce livre est plus immersif que les jeux. C'est simple, je voulais, comme j'ai dit annonce, je voulais arriver à 400 pages, bon, je suis à 416, pour le prochain podcast. Il me restait 60 pages à lire. J'ai dit jamais je vais y arriver, en un soir, c'était jeudi soir. Et j'ai lu pendant 1h30 parce que je pouvais plus m'arrêter. C'était comme la fin d'un film. Surtout que c'est la fin. C'était la fin du livre et il se passait trop de trucs de fou. Putain. J'aurais pas pu m'endormir si je l'aurais pas fini. Rougeur, les gars. Ah non, non, mais il se lit tout seul. Ah ouais, mais. Pourtant, c'est écrit petit comme tu disais, mais il se lit tout seul. Tu lis, tu fais putain, j'en suis déjà là. Bah, je suis content. Voilà, les gars. Tant qu'il a mis 3 mois pour lire 3 pages. Un mois pour lire 400. Un mois pour faire 416. Quand je me lance. C'était le bon moment. Ouais. Machine. Il y a encore un mois, 2 semaines, au final. Je sais pas. Parce que j'ai commencé à lire pendant mes vacances. Ah, c'est vrai. Oh putain. Pendant ma dernière semaine de vacances. Comment ouais, pendant les vacances, c'était du temps. Pouf. Oh la vache. Et sinon, j'ai fait le tour de mon checkpoint. Mais les 416 pages, elles valaient le coup, hein, tu vois. C'est clair. Enfin. Mais oui. Fitz. Putain, c'est sûr. Pour l'instant. Oh, vous allez nous faire une review dessus pour le prochain épisode. Ça va être compliqué parce qu'à chaque fois, des fois, je lui parle et je sais pas ce que je peux dire, tu vois. Il peut pas dire des choses. Ah ouais, ben oui. Bon, je te pose des questions où tu peux dire si t'y es pas, tu peux me répondre. Et Burik, qu'il est toujours vivant. Connard. Ah merde. Ouais, je t'annonce déjà un truc, Burik, même où j'en suis, il est toujours vivant. Tu fais des faux spoils ? Non, non, non. Mais non, mais quand je lui pose une question, comme je me rappelle pas où il est dans le bouquin, tu vois là, je lui fais. Ouais. C'est Royal, il a été chercher la femme pour vérité. Ouais, c'est bon. Ah, voilà. Donc la fin du bouquin en plus, c'est énorme. Tu crois qu'il va y passer le héros. Tu te dis merde. Bon, c'est bon pour moi, le checkpoint. Mais bon, pour toi. Je laisse ma main. Bon, ben moi je vais enchaîner sur l'Assassin Royal. Donc je suis dans la partie 2, première. Ah non, j'ai terminé l'Assassin Royal partie 2, première époque. Et j'ai commencé l'époque 2. J'en suis à 300 pages. Donc je suis presque fini le premier bouquin. Premier bouquin de dernier bouquin. C'est pas clair, mais c'est pas grave. Oui, mais moi j'ai compris. Le bouquin numéro 10, quoi. Ah ouais, merci Google. Ensuite, Netflix. Moi je suis pas très série, mais je me suis retapé tous les Rick et Morty parce que j'aime bien. Ça me fait délirer. Et je peux le mater directement sur mon téléphone. Je me suis fait aussi la saison 11 de Big Bang Theory. T'en avais parlé la dernière fois. Je l'ai pas attaqué, mais j'ai des trucs à finir, mais il me tarde de l'attaquer. Oh, moi, comme j'en fais pas beaucoup, du coup, je regarde ça d'affilée. Et j'ai commencé The Boys, je suis à l'épisode 3, mais c'est trop long. 50 minutes l'épisode ? Presque une heure, je crois que c'est une heure. Une heure l'épisode ? Wow. Mais c'est super intéressant parce que les super-héros, c'est pas ce qu'on croit. Tu changes de Superman et tout, c'est. Ah oui. C'est... Bah, disons qu'ils ont un côté réel, parce que tu dis, ça devrait se passer comme ça. Le mec, il pourrait s'en branler. Ah oui, complètement. Le coup de l'avion, tu l'as vu ? Oui, oui. Voilà. Avec le maire, le sénateur ou un député. Non, pas celui-là. Ah, t'y es pas encore là. Ah, si. Le deuxième coup de l'avion. Sauf au moins c'est de là. Ouais, c'est ça. Ouais, craquer le Superman. Bon, Je n'ai pas de spoil. J'ai lu un petit truc. Celui qui fait un peu comme Superman, qui en appelle le protecteur, c'est un acteur bien connu en fait. Enfin, il joue dans une autre série, mais vu qu'il a pas du tout la même carrure, la même coiffure, il joue dans Banshee. Pas si vous connaissez Magic, non. Et en fait, ils ont coupé une scène. Amazon a décidé de couper une scène. Quoi ? Alors, je te raconte la scène. À un moment donné, apparemment, t'as la vieille, là. Elle lui baisse le pantalon. Ouais. Il est sur le building de New York, sur l'aigle. Ouais. Et il se masturbe. Il se masturbe. Il sent pas les couilles. Ah, trop bon. Je peux faire ce que je veux. Encore et encore. C'est moi le grand dieu, tu vois. Ils ont coupé cette scène parce qu'ils trouvaient pas que ça avait aucun intérêt. Bah si, ça prouve qu'ils s'embrassent. Et qu'ils se rendent. Alors j'ai pas vu la série. Mais ils se prennent vraiment pour un dieu. Ouais, et tout le monde a peur de lui, quoi, en fait. Même tous les Superman qui est méchant, t'aurais peur de lui. Même les autres super-héros ont peur de lui. Tu vois, les autres super-héros, ils mesurent ce qu'ils disent parce que c'est le protecteur, quoi. C'est le plus fort des super-héros. Ah bah, de toute façon, Superman, il est invincible. Oui, oui. Il peut défoncer n'importe qui. Par contre, il n'y a aucun équivalent à Batman pour l'instant. Bon, bref, un super-héros sans pouvoir, tu fais Non, mais après, c'est un peu les boys, quoi. Ils ont trois cacahuètes, mais ils font un peu les Batman, tu vois. Ouais. Pour moi, c'est un peu les mecs qui n'ont pas de pouvoir et qui essaient de les faire. Les Batman, alors. Ouais. Bon, bref, en tout cas, voilà. En jeu, j'ai joué à Judgment PS4. Donc, j'ai trouvé très bien au début, mais j'ai trouvé ça répétitif. Et putain, mais faut pas se balader dans son quartier, quoi. Il y a des bandes de loupards partout. Et, et le quartier est pas très très grand, en fait, hein, ça c'est vrai. Non, ça manque. Il est bien fouillé, par contre. Il est bien construit. Ouais. Donc, il y a tout le temps de la baston, tout le temps. Et c'est très verbeux. Alors, si t'es. J'aime lire, mais là c'est trop. J'aime lire, mais j'aime pas assister à ça. Ça va pas gêner. Ah, sinon, il y a trop de temps. Pourtant, blablabla. Donc, un très bon jeu, encore une fois, mais qui n'est pas pour moi. Je pensais aimer. Ah ouais, je pensais aussi, tu vois. Non, le système de baston, ça me gonfle. De toute façon, me battre dans les jeux, ça me gonfle. Sauf sur Monster Hunter. Donc, je te l'ai ramené d'ailleurs. Faut que je pense à toi. Ah, d'accord. Monster Hunter. Ouais, certainement, ouais. J'ai déjà ramené celui-là. Ensuite, je me suis acheté PC Building Simulator, donc un jeu de gestion de boutique de PC. Il a arrêté. Informatique. Monster Hunter. Ouais, attends, je vais venir. Qui est très très bien, super bien fait. Il y a les bons composants. Faut vraiment faire le PC comme. Moi, franchement, j'ai kiffé. Moi, qui aime bien. Alors, par contre, si t'aimes pas bricoler l'ordinateur, ça peut ne pas t'attirer. C'est une simulation. Ouais, mais c'est bien fait, hein. Ah, j'ai ce problème sur cet ordi, alors tu peux faire des nettoyages antivirus, tu peux changer la RAM. Non, c'est super bien. Moi, j'ai adoré. Mais malheureusement, enfin, heureusement, j'ai pris l'extension Iceborne de Monster Hunter et je suis dessus, et voilà. Et c'est fini. En 3 jours, je suis à plus de 20 heures. Vous savez quand même qu'on s'est engrainé chacun de notre côté. Pour Monster Hunter. Parce qu'à la base, personne ne devait le prendre. Ah bon? Oui, c'est vrai, je crois que j'ai dit ouais. On a dit, moi je le prends pas. Moi je le prends pas. Moi j'ai dit, je me prends Link Awakening. Non, parce que, oui, voilà. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, il y a le problème Monster Hunter, Mathias. Ouais. Là, ils sortent une extension. D'accord? C'est une extension, ce n'est pas un DLC parce que c'est vraiment un jeu à part. Oui, vas-y, raconte-nous ta vie, nous sommes au cœur de la vie. Non, mais allez-y, c'est docteur, un petit coup de gueule. Un petit coup de gueule. Vas-y. Tu l'achètes sur le Play Store. Ah oui. C'est 40€, juste l'extension. D'accord ? Ouais. Faut acheter le jeu de base. Voilà. Il faut que tu aies le jeu. Ouais. Il faut que tu aies le premier. Comme nous on avait le premier, donc on pouvait choisir le chèque. 100€ déjà. Ouais. Et si tu vas à Leclerc, t'achètes le jeu 45€, enfin l'extension 45€, mais dedans il y a le premier Monster Hunter, donc ça veut dire qu'il vaut 5€. Ouais. Y a pas du foutage de gueule ? Un petit peu. Vends-moi plutôt l'extension. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai changé mon Monster Hunter d'origine avec Just Cause 4, c'est très bien. Et du coup. Voilà, yes. Ça m'a fait deux jeux. Petit coup de gueule, tu as raison. Mais en tout cas, on voulait pas l'acheter et il défonce. Oui, surtout qu'en fait, pour ceux qui. Il y en a un qui l'a pas acheté. Iceborne, il faut bien leur expliquer, tu peux pas jouer à Iceborne si tu n'as pas fini le jeu et que tu n'es pas rang 16. Oui. De toute façon, t'es rang 16 automatiquement quand tu termines le jeu. Automatiquement, mais bon. Mais c'est pour ça qu'ils te vendent Monster Hunter. Oui, mais il faut que tu passes 60 heures pour jouer à Iceborne, quoi. Bah oui. Minimum à peu près 60 heures, on va dire 50-60. De toute façon, maintenant les DLC. Voilà. Et dans l'extension que t'achètes sur le PS Store, il devrait te bloquer si jamais. Il devrait y avoir quelque chose qui détecte ton rang dans Monster Hunter. Oui, pour savoir. Oui, tu bien vois. Sûr. Parce une alerte. Ne serait-ce que savoir si tu l'as. Voilà, ne serait-ce que savoir si tu l'as au moins. Parce que si tu as. Tu peux acheter l'extension sans. Ouais, et puis ouais, après, t'es obligé d'acheter. Je pense qu'il y a une protection. Je pense qu'il vérifie quand même que t'es Monster Hunter avant de te prendre. Je sais pas, franchement, je pense pas. Faudrait aller vérifier. Faudrait creuser. Franchement. J'enchaîne, j'ai aussi beaucoup joué à Tetris 99 parce qu'en début de mois il y a eu le thème Fire Emblem, donc le 6ème événement qu'ils font, donc il faut gagner 100 points pendant que tu joues et du coup ça te débloque des thèmes. Et avec la mise à jour du Switch Online, en fait maintenant tu peux carrément acheter tous les jours, t'as des missions un peu à la Fortnite. T'as des quêtes à faire et ça te donne des tickets. Avec ces tickets, tu peux acheter des thèmes et des quotidiennes. Et du coup, je fais mes petites parties tous les jours, Alex aussi, donc du coup on s'éclate. Alors, je pensais pouvoir jouer à deux en mode bataille avec Alex, mais ça, c'est pour ceux qui ont acheté le jeu. Voilà, parce qu'il y a un jeu qui est sorti, il faut l'acheter, ou tu peux jouer au marathon, ou peut-être. Je ne l'achèterai pas, mais bon. Très bon jeu, faut continuer à y jouer. Et aussi, le petit truc, le Switch Online, où ils ont ajouté 20 jeux de Super Nintendo. Oui. Le seul truc, c'est que quand vous sortez sur le territoire français et que vous mettez Link to the Past, mettez-le en français. Oh putain. C'est con de le foutre en anglais, et me dites pas que c'est la taille du jeu, hein, parce que le jeu existe. Donc, pour ceux qui adorent ce genre de jeu, achetez un émulateur. En jeu de smartphone, Ending Box, Guiz l'a dit, je me suis remis à Pokémon Go. Ça m'a pris. Donc je torche, voilà. Et aussi un autre petit jeu de réflexion, enfin d'escape game, Tiny Room. Donc Guiz, tu m'en avais parlé, tu m'as dit, il est en anglais, mais avec l'extension, enfin avec la nouvelle version, il est en français complètement. Ah. Parce qu'il avait l'air bien, mais en anglais, ça m'a gonflé. Voilà. T'as juste le premier chapitre pour l'instant, et après t'as un chapitre qui va sortir à partir du mois de septembre. Donc voilà, et donc ce sera tout pour mon petit checkpoint. Et c'est à moi. Vas-y. Mon checkpoint sera aussi un petit peu particulier, parce que en série, ben, tu l'as dit, est sorti Reason Why, donc on va pas revenir dessus. Monster Hunter World Iceborne, tout on l'a dit aussi, donc je vais pas revenir. Monster Hunter, on est fort. J'ai vu, je suis bourré. On va défoncer le fronton. You Monster. Pardon. Les jeux du PS Plus gratuits, j'ai testé Step, le jeu de ski, surf, tout ça. Je sais pas, j'ai passé un petit peu de temps dessus. Wipeout Collection, HD Collection, je l'ai testé aussi. Et donc, en plus de Monster Hunter World, j'ai reçu deux jeux en test. Erika. Ouais. Qui est un FMV, ça fait longtemps que j'avais pas fait de FMV. Donc FMV c'est Full Motion Video, un jeu avec de vrais, un vrai film, de vrais. On devrait faire une petite séquence. Que veut dire cet acronyme? Tu as c'est déjà clair. Fait des FMV. J'ai déjà fait des FMV. Cite-moi un jeu en FMV. X-File. Ouais. J'avais beaucoup aimé. Ça c'est de la merde. Ouais. C'est sur PC ça. C'est pas sur PC, il y a joué sur PS. Non, je l'avais sur PC moi. Ah putain, je l'ai sur PlayStation, ça ne passe que sur la PlayStation 1. Tu ne peux pas y jouer sur PlayStation 2. Tu ne peux pas y jouer en émulateur non plus. Mais t'as pas un jeu plus récent? Plus récent. Motion vidéo. Du FMV plus récent. Ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas fait ce film. T'as Dragon's Lair. Mais bon, c'est vieux aussi. Ouais. T'as Night Trap. Oui, dans les. Mais c'est très très vieux aussi. Ouais, il y a beaucoup. C'était des vieux jeux. Ça s'appelle FMV en fait. Quand c'est un, joues, c'est un film interactif. D'accord. Bandersnatch. Comme celui qui est sorti sur Netflix. Bandersnatch. Mirror. Ouais, Black exactement. Mirror. Voilà. Ça pourrait être dans l'idée. Ouais. Ça pourrait être voilà. Ça un peu. Donc, Erika, si le scénario est excellent, que les acteurs jouent en plus très très bien, bah, le jeu en fait devient très vite pas très passionnant parce qu'on en fait soit sans smartphone, ce qui est mieux que la manette d'ailleurs, je préfère le préciser, soit donc le pavé tactile de la manette, bah, tu fais des actions et bah, au bout d'un moment en fait tu torches parce que t'en as marre, t'as envie vite de voir la fin. Donc, le scénario est pas bien. Enfin, il sait pas maintenir c'est l'intrigue. C'est pas que le scénario est pas bien, c'est que ben en fait tu fais pas grand chose quoi. Ah bah c'est, oui. c'est ça le truc. T'as pas de d'items à sélectionner, tu as de trucs. Ouais, ouais. Donc en fait tu torches un peu pour vite voir la fin, savoir, sachant qu'en plus c'est comme Detroit Become Human, tu peux avoir suivant tes choix plusieurs fins possibles. Mais bon. Mais voilà. Tu le referas pas parce que ça t'a gonflé. Ouais, clairement. Okay. Et en deuxième, j'ai reçu Catherine Full Body. Que Guy se trouve que c'est un jeu pas fait pour les... C'est pour les tarlouses. Bravo, bravo. Et tu dis ça comme ça? Non mais c'est l'homophobe. Enculé. Robert, moi aussi. Non oui, bon d'accord, on s'en fout. C'est un jeu de tatane. Pour moi, c'est un jeu de princesse. Mais pas du tout. C'est l'histoire de l'eau. Mais non. L'eau de rose. Mais c'est... Justement, c'est pas de l'eau de rose. Pas du tout. Le gonze, il est torturé parce que t'as trois gonzesses qui le veulent. Elles sont toutes. Elles ont chacun leur charme. Tu me regardes laquelle, Erika, toi? Catherine. À la nouvelle. La nouvelle avec les lunettes, la blonde. La nouvelle avec les cheveux roses, la dominatrice. La pas. Plus mignonne. Ah non, moi je préfère la dominatrice. Ah ouais. Ouais. Ah, elle me fait flipper. Oui, oui. Le truc c'est du hentai le truc. Non mais t'as, le truc c'est que c'est un jeu de puzzle en plus. C'est un puzzle. Alors c'est le mélange entre un petit jeu de pareil où tu dois faire des choix tout ça machin et le puzzle game où en fait quand Vincent le héros s'endort. Il tombe dans cette espèce d'enfer, ouais. Il doit en sortir et tu fais ton puzzle. Tu devrais essayer la démo, ne serait-ce qu'essayer la démo sur le PlayStation. Il y a une démo. C'est une démo. Et test. C'est à tester. Je testerai. Juste pour. 2019, pas de bluff. Je testerai. c'est pas mal ça. Oui, bon, elle est pas de moi. Elle est pas de moi. Donc non, elle est de mon ancien apprenti. Bon, en tout cas, jeu vidéo. Ah bien. Année jeu vidéo. Année, on casse le PEL. Parce qu'il y a trop de jeux, con. Oh putain, oui. 400 euros. Calcul, j'ai pas 400 euros. Ouais. L'année est pas finie. Si, pour moi. Sans compter tout ce qui t'est offert à côté. Ah oui. Non, non, l'année est pas finie. Oh là. Oh, loin de ça. Que tu es naïf. Allez, pour finir, je vais pousser un bon coup de gueule. Attends, c'est le checkpoint, c'est pas le coup de gueule. Ouais, c'est le deuxième coup de gueule du soir, attention. Rendez-vous au cœur de la nuit. Deuxième coup de gueule de la part de Seb. Vas-y, à toi. Normalement, ça n'avait rien à faire dans ce checkpoint, je suis d'accord avec toi, mais il fallait que ça sorte. C'est ce que j'ai dit à Alexia. Oh. Oh la vache. C'était je crois que c'est l'épisode le plus dégueulasse qu'on ait fait. Je crois qu'à chaque épisode, il nous sort un coup de gueule. Vas-y, il va y avoir un premier coup de gueule. J'y ai pensé, ça. Ça, c'est le truc à Guise. Dans Mélite et moi, Guise, il va faire que gueuler, en fait. Non, c'est toi, bah... Vas-y, gueule. Donc, Fanny Agostini. Je vous en avais parlé. Non, mais ça fait trop... C'est le truc des Pokémon. Le truc des Pokémon. Ah. 4 minutes, ça, bon. Hein? Ouais, mais il fallait que je le dise, ça me saoule. Oui, mais la vie va tellement vite, mon gars. Tu sais. Et vraiment, il se passe tellement de choses. Le 30 août dernier, dans sa chronique sur Europe 1, une journal à ferme, l'ex-Miss Météo de... BFM TV estime que Pokémon Go est, je cite, un crime contre l'enfance et la nature. Après avoir totalement défoncé les joueurs de jeux vidéo. Contre la nature, je suis d'accord. Parce que ce qu'elle dit, je le fais. On va bien. Alors, attends, ouais. Les joueurs de jeux vidéo, donc en voulant défoncer les joueurs de jeux vidéo, elle a démontré que les enfants connaissaient mieux les Pikachu que les hirondelles et autres types d'oiseaux, tout ça. Ah bah forcément, elle vient de Paris. Elle sait même pas ce que c'est une vache. Hein. Elle a aussi expliqué que dans cette application. Donc, je pense que tu vas en venir là. Ouais. De par les serveurs, ça pollue énormément notre planète. Ah non, non, non. Non, c'était pas pour ça, pardon. Non, non, ok. Ce qu'elle a dit après sur les voitures. Ah d'accord, oui, d'accord. T'as écouté. Ouais, ouais. J'ai tout suivi. Ah, bah, vas-y. Bien évidemment, elle a reçu une tollée sur Twitter. Sur le réseau, de messages. Ah ouais. Je précise, j'en ai lu pas mal, sans insultes. Oui, mais qu'il la remette à sa place. Voilà, qu'il la remette à sa place, mais toujours poliment, je tiens à le préciser. Va te faire enculer, tu nous emmerdes. Et donc, mais à chaque fois, donc, les tweets ont été intéressants puisqu'ils ont prouvé le bon côté du 8 de Niantic. C'est vrai, et je vais peut-être enlever les vulgarités. On s'en bat les couilles, c'est bon. T'as raison, t'as raison. Quelques heures après, donc sur Internet, la jeune femme, elle a publié un nouvel article où elle dit qu'effectivement, elle n'y connaissait rien au Pokémon, elle a laissé parler tout un tas d'autres personnes. Mais là où ça partait à mon sentiment, au fait, au final, eh ben, elle a le culot de réclamer de l'argent à la fin de... elle réclame de l'argent pour la nature, pour te gérer des animaux, tout ça, machin. Donc elle te défonce un jeu et les joueurs. Ouais. Elle dit bon, ok, je connaissais pas mon sujet. Ouais. Elle s'excuse pas et elle dit à la fin, bon, par contre, si vous voulez participer à mon projet d'environnement, tout ça, mais donnez des sous. Bon, alors excusez-nous, si on connaît pas notre sujet, si vous vous estimez que nous ne connaissons pas notre sujet actuellement, on connaît pas notre sujet. Envoyez-nous des sous. On va ouvrir un Tipeee, alors ça y est, c'est annoncé. C'est ça. Mais Geek et moi ne connaissent pas leur sujet. Donnez les sous. Donc, oh la connasse. C'est pas fini, puisqu'en fait, encore plus tard dans la journée, il y a eu un article sur le site de la radio Europe 1 où elle dit qu'en fait, elle présentera ses excuses à une condition, mais que les joueurs rejoignent sa quête. C'est-à-dire que tout en allant sur Pokémon Go, en fait, il faut. D'ailleurs, en fait, son truc, son univers, quoi. Ouais, tout en jouant à Pokémon Go, en fait, il faut que tu ailles ramasser les déchets, tu vois, regarder les animaux, regarder les, tout ça. Donc, pour moi, elle a juste tenté un gros coup de buzz. Ouais, c'est clairement. Elle ne connaissait pas du tout son sujet. Elle a juste osé réclamer de l'argent et c'est limite du chantage pour des excuses, quoi. C'est ça. Donc, voilà, moi je voulais gueuler là-dessus, c'est que les jeux vidéo c'est une cible trop facile pour les médias, les gens ne s'y intéressent pas avant de les défoncer, et ça c'est... Et comment elle s'appelle ? Fanny Agostini. Donc Fanny Agostini, si tu nous écoutes... Il y a peu de chance. Imaginons, on n'est pas content. Alors, je pense qu'elle n'a jamais réussi à attraper son Pikachu, c'est tout. Elle n'a jamais trempé son Pikachu, oh dégueulasse. Allez. Excusez-nous, mais il y a aucune mauvaise volonté dans nos paroles. On est juste là pour rigoler. On n'a pas de limite. On est comme les Gaulois, on est sans fil, gros. C'est bon. C'est bon pour les. De quoi ? Mais Thias, t'as fait quelque chose ? T'as fait un moment. Ah oui. On peut dire. Qu'est-ce que tu fais pour le moment ? En ce moment, je viens de finir. En ce moment, je suis avec vous. Oui. C'est un bon point déjà. C'est un bon point. Tu n'es pas d'accord avec ce qu'on dit ? On ne traite pas bien notre sujet, donne l'argent. Ça n'est pas. Ah. Non, je viens de finir D3 Become Human. Ah, toi aussi ? Moi aussi. Alors, petite impression ? Il est gratos. Et je l'ai gratuit. Ouais. Ah oui, c'était gratuit sur PlayStation. Ah bah oui. Mais toi aussi, tu l'as gratuit. Non, pas tous les portiers. Non, j'ai envie de dire très bon jeu, meilleur jeu que j'ai fait jusque-là, mais. Sinon, j'ai rien fait d'autre de plus. C'est tout ? Si, j'ai acheté un autre jeu, mais je n'en parlerai pas pour le moment, car mon frère s'est acheté le même, donc du coup, je vais le laisser. Vas-y, c'est Man of Medan. Ah. Dans le même genre. Il me tarde d'avoir votre retour, parce qu'avec tous les retours que j'ai déjà. Donc vous allez pouvoir jouer ensemble ? Eh oui, on va peut jouer ensemble, tout à fait. C'est vrai. Pour le moment, c'est pas trop mal. Un peu long à démarrer. Mais ouais. Sinon, c'est pas trop mal. Très long. Qu'est-ce qu'il y a ? Alors, c'est quoi ce sous-entendu ? Ah oui, je sais ce qu'il va dire. Le boulot qu'il a. Ah ouais, ça va être compliqué. Ouais. On joue de 1 à 2 ? De quoi ? De l'après-midi ? Non, 1h à 2h du matin. Ouais, ouais. Eh ben non. Ah, vous avez bien trouvé un créneau. Ouais. Ok, donc c'est tout pour. C'est tout pour l'invité. Ben, on va enchaîner par la suite. Donc, les séries et animés de notre jeunesse. Et pour lancer ce sujet, du coup, on va demander à Guise, alors, les séries et animés de notre jeunesse, c'est parti. Donc, les séries animées de ma jeunesse, je vais commencer par vous présenter le petit Code Lisa, ça vous parle ? Ah bah oui, évidemment. Ouais. Une série télévisée en 88 épisodes de 24 minutes, diffusée à partir du 17 mars 1995 sur France 2. Tu vois, j'aurais pas dû lui dire qu'il bossait pas ses sujets. Hein. Ça y est, il s'enflamme. Donc la série est tirée d'un film, Une créature de rêve. C'est vrai. J'ai pas vu le film. Oui, oui, je l'ai vu déjà. Et alors ? C'est la merde. Après, quoi, qui est lui-même tiré du docteur Frankenstein. Oui. Donc, après, alors, c'est de la merde aussi. Pour vite fait dire l'histoire, c'est deux amis lycéens qui ont un caractère opposé et qui sont rejetés par leurs camarades de classe. Ils aiment les filles et faire la fête, mais ils se font refouler à chaque fois. Donc, du coup, ils commencent leur première journée de lycée. Oh, ah, pardon. L'autre, c'est un débile. Oui, c'est vrai. Pardon. Ils commencent leur première journée de lycée et ils se font bisuter, ils reviennent à la maison avec des vêtements déchirés et de là, en regardant le film La fiancée de Frankenstein à la télévision, Gary a une idée. Gary, c'est le débile. C'est de créer une femme parfaite sur l'ordinateur de Wyatt. Et de là... J'adorais cette série. Elle était terrible. Ouais. Elle était bien. Ah ouais. Terrible. Ouais. Moi, j'ai trop vieux pour moi. Trop vieux, ouais. 1995, c'était ta année de naissance, mec. Ah ouais. En même temps. T'étais à l'hôpital, toujours en décembre. Bref. En deuxième, je me suis mis Buffy contre les vampires. Une série télévisée américaine de 144 épisodes, répartie sur 7 saisons. Oh putain. Oui, oui, je t'en prie. Donc tout le monde connaît. C'est sorti en 1998. Avec Sarah Michelle Gellar. La fameuse trilogie du samedi. Ah ouais. Je crois que j'ai un truc de la trilogie du samedi dans mes séries. Ouais, charme. Bref. L'enculé. T'as peut-être regardé Charme, toi. Ah, mais c'est, il y a ma petite préférée. Je m'épilogue pas dessus. Wow. Ouais, bah oui, bah, du coup. Chair de poule. On peut. Si, on peut épiloguer sur certains trucs. T'es pas obligé d'être aussi académique, du coup, qu'on connaît les séries. Non, mais je t'en prie, vas-y, fais comme tu le veux. Attention. Mais bouge-toi le cul. Chair de poule. T'as mis ça dans tes séries? Ouais, je kiffais quand j'étais gamin. Une série télévisée américaine-canadienne en 74 épisodes de 21 minutes. Tu vas le tuer, à chaque fois que tu vas faire ça, tu vas le tuer. Les bouquins, ils étaient bien, mais la série. Les séries, mais tu te rappelles pas, là, tu le regardes aujourd'hui. Si, je me rappelle, moi, je sais pas, j'ai un truc qui me toque en tête, c'est... la poule, colette. Plein d'épisodes pour sans ça. Ça m'a marqué. Hein. Fais-moi peur. Ça a été diffusé en 95. Fais-moi peur. Ouais. C'est un peu pareil, ouais. Un peu pareil. Ah bah putain, d'accord. Merde. On est trop jeunes pour ça, mon gars. Non, mais Chair de poule, j'ai regardé. Quand ils faisaient les rediffusions. Moi, je connais que les bouquins. Il y a la première saison qui est disponible sur Netflix, mais qui est dans le désordre. Alors, ah, super. Hein. Pas trop, Bon, en même temps, les bouquins, ils n'ont pas d'ordre. Oui, il n'y a pas d'ordre. Et je suis adapté de la série du livre de même nom de R.L. Stein. Qui en a fait. Pouf. Quantité. Quantité astronomique. Ouais. Une petite série, Notre belle famille. Ah! Je peux l'enlever, ouais. Si là. Bon, je vais pas dire combien il y avait d'épisodes, ça saoule l'ours. Ben non, mais je peux te le dire, moi, si tu veux. 160 épisodes de 22 minutes. Attends, la page n'est pas chargée. Ah oui, d'accord. Elle a été diffusée en 92 sur TF1, tu le savais ça? En 92 sur TF1. Ben non, je l'ai appris aussi. Le 26, je même pas sur TF1, je regardais sur la 6, moi. Oui, sur la 6 aussi. Sur la 6, ça a été diffusé sur la 6 à partir de 2003. Non. Oula, non. Non, si, rediffusé jusqu'au 20... Non. En 99, pardon. Ah ouais, là, autant pour moi. Non, avec non. Le fameux Frank Lambert, Cody. C'est TF1 qui a dit ça en premier. Ouais. Putain, j'étais persuadé que c'était la 6. Mais moi aussi, j'étais persuadé. Ah non, l'autre, là, comment elle s'appelait, la petite, là, la rebelle. Non. Allison. Vous y avez pas la sœur de GT? Ouais, mais non. Alors, elle, tu vois, quand elle était petite, elle était vraiment petite, mais quand elle a commencé à être ado. Elle était vraiment bonne. Hein. D'accord. J'allais dire jolie, mais. Non, j'allais dire bonne. À mon âge, elle avait mon âge. Enfin, on avait le même âge, à peu près. Ah, voilà, c'est pour ça. Et, ouais. Approved. Pour poursuivre, les contes de la crypte. Quand j'étais gamin, je kiffais me faire peur comme la ça. La crypte show, là, avec l'espèce de squelette qu'il présente. Et créé d'après la bande dessinée de IC Comics dans les années 1950. Ils utilisaient beaucoup d'acteurs connus pour faire les épisodes. Ça me parle pas, ça. C'était en 1980 sur Canal+, diffusé sur M6 à partir de 93. Donc c'était une série anthologique d'histoires horrifiques présentées par le gardien de la crypte. Un cadavre desséché en état de décomposition. Ah oui. Ah ouais, c'était pas un squelette. Ouais. Je le vois. Tu t'en rappelles, sûr. Et après, ils avaient même fait un dessin animé, les contes de la crypte. Peut-être. Non, je me rappelle pas de ça. Tu t'en rappelles pas de ça? Tu réécouteras le podcast et. Tu sais qu'on pourrait parler de tellement de trucs. Mais bien sûr. Ah oui. Tu dis ça, je pense à Draculito. J'enchaîne. Bon, maintenant ma partie série est finie. J'enchaîne sur mes parties série animée. Ah vas-y. Dragon Quest, la quête de Dai. Mais ça s'appelle pas comme ça. C'est Fly. Fly. Oui, mais... Dragon Quest, c'est le manga. Oui. La quête de Dai, alias Fly. Ouais. Si, attention. Si, ça, c'est la réédition qui s'appelle Dragon Quest, la quête de Dai. Parce que Dai, c'est son nom de draconien. Connu sous le titre de Fly en France. Attention à ta gueule. Plutôt que quand t'étais jeune, tu le reconnais. Regardez sous le nom de Fly. Fly. Et que ça s'appelle Dragon Quest. Ça s'appelle Dragon Quest, la quête de Dai. Ok. Il sait faire le mec qui connaît. Non, toujours l'épine. Ouais, je t'entoure la pine, ouais, t'inquiète. Donc ça a été diffusé en France à partir de 1994 sur TF1. Et je crois que la dans série, le Club Dorothée. La série, elle se termine pas, le manga animé. T'as pas la fin du manga. Je crois qu'il y a pas, non. Je crois qu'ils ont pas fini l'anime. Non. Je pense pas, mais bref, vas-y. On vérifiera, mais je pense pas. Oh, oh putain, tu l'as fait payer. Non, c'est bon. Ouais, je vais pas... Moi aussi, tu nous as détruit le truc entre temps. Ouais, je pense. Le truc d'un podcast, c'est que le silence, c'est pas bien. La prochaine fois qu'il dit quelque chose, le contredis pas, s'il te plaît. Je continue alors. Denver, le dernier dinosaure. La dernière merde, tu sais. Non, non, oui. Celui de notre enfance. Le premier dernier dinosaure. Voilà. Oui. Non, moi j'ai pas aimé, j'aimais pas sa tête de fou. Denver. Mais il m'a jamais inspiré pour faire un mec là. Et tu sais que ça a été diffusé en 89 sur FR3 dans Sam Dynamite. J'étais même pas né. Sam Dynamite. En 83. Et après dans les Minicum. Ah voilà, ça j'ai dû le voir. Ouais. Mais voilà. Oh putain, du coup tu dis Minicum, c'est je suis genre que t'as mis Tortue Ninja. Mais bien sûr. Du coup. Bien sûr. C'est pour ça que je l'ai pas mis. Merci. Et par contre, ouais, c'est pas. Putain, il y a une nouvelle version de Denver et ça me... Non, non. Là, je suis d'accord. Depuis le 27 août 2018 sur M6, Kids, c'est de la merde. Oui. Tu l'as regardé, Mathias ? Non. C'est de la merde, on regarde pas. Bah, c'est bon, il y a 24 ans. Tu vas regarder Denver, le dernier dinosaure. Bon, allez, je continue. Oui, parce qu'en fait, pour dire, on a pris 10 séries chacun. Oui, c'est donc, ça va être long. Série animée. C'est pour ça qu'il faut... Prenez une bière, installez-vous, écoutez-moi. Écoutez-nous. Sailor Moon. Sailor Moon. Oh, on a tous regardé Sailor Moon. On a tous bien sûr. Moi j'aime bien. Sailor Mars, la meilleure. C'est touché de Zizi en regardant Sailor Moon. Non, Sailor Mars. Non, la meilleure. Je trouve Sailor Mars. Mars. Ah oui. Vénus. Non. La petite blonde. Non. Arrête. La brune. Putain. Mercure. La gentille. Ouais. Sailor Moon. Moi j'aime bien. Personne de Bully. Bah, elle est chiante en fait, des fois. C'est la princesse. Et est-ce que tu savais que Sailor Moon, l'abréviation de Sailor Moon, c'était Bishoujo Senshi Sailor Moon. Ça veut dire la jolie guerrière Sailor Moon. Bien sûr. Je ne savais pas. Hein, bah non. Et est-ce que vous saviez aussi oula. Qu'il y a eu deux épisodes censurés ? Ah non. Mais pour quelle raison ? Dorothée. Ah. Pour quelle raison ? On voit des petites culottes ou un truc comme exactement. Ça, non ? Exactement. Voilà. Oh. Exactement. Ah, c'est pour les enfants. Exactement. Oui, oui, tu vas me dire oui. Oui. Alors qu'on voit même pas de grosses schneck, putain. Tu parles de schneck. Ah putain. Je sais ce qu'il m'a dit, il me l'a fait tout à l'heure. Je change de sujet. C'est toujours un sujet série. Non. Dans la semaine, tu es choqué. Je regardais M6 vers 18h30. C'est le truc de la boulangerie avec qui fait commis d'office. Norbert. Norbert, voilà. Ouais. Il parle de schneck. Ouais. Le mec, il dit, je voudrais goûter une schneck. C'est une pâtisserie. C'est ce que c'est une schneck. C'est ouais. Un pain au raisin, mec. Ah bon ? Un pain au raisin. Ah bah ça tient, hein. Tu sais, des fois, il y a des grumeaux. Non, mais comme il dit Seb, les chocolatines, ils nous font chier. Alors, pain au chocolat, et l'autre, il appelle ça une schneck. Schneck. Tu me donnes une schneck ? J'ai essayé, mademoiselle, votre une schneck, s'il vous plaît. Bon, voilà, vous aurez appris qu'une schneck est un pain au raisin. Ouais, une raisintine. Allez, c'est parti. On va recruter Bernard Pivot, putain. C'est qui, lui ? C'est un animateur, le journaliste. Ouais, il a fait plein de trucs. Bon, je continue. Des chiffres et des lettres ? Non, bouillon de culture. Ah ouais. Donc, du coup, Beetlejuice. Beat. Le dessin animé. Tu te rappelles de ça? Oh putain, 32 fois, il me dit pas correctement. Alors, les enfants, c'est Beetlejuice. Beetlejuice. Après la schneck, Beetlejuice. Beetlejuice. Beetlejuice. Voilà, je pas trois fois, sinon il va apparaître. Hein. Pas Beetlejuice. J'ai pas dit Beetlejuice. Oh la vache. J'ai vu des beats. Tiré du film, du coup. Oui, c'est tiré. Ah, j'aimais bien, ouais. C'était sympa. Oh putain. C'était écrit par Tim Burton. Par qui ? Par Tim Burton. Oh, on remarque le film. Ah oui. Éponyme. C'était en 1993 sur France 2. Ah ouais ? Ouais. Je regardais sur la 6. Moi. Mais après, il y avait les mini-cums. Mais après, ouais, ça a été rediffusé sur M6Kid et tout ça. Ouais. Ouais. C'est, toutes les séries, ça passait. Bref, SOS Fantôme. Oh non. Elle a chié. Mais elle a chié. Même mon fils, il aime bien ça. Qu'est-ce que tu me fais ? La série ? La saison 1, mais regarde sur Netflix. Elle est nulle. Mais finalement, c'est de la merde. Non, elle est nulle. Ouais, bref, moi j'aime pas. Voilà. Ouais, j'en regardais aussi, ouais. Vous avez des goûts de merde, du coin. Jamais regardé. Bref. Après, j'en ai noté plein, mais je vais vous laisser faire votre truc de l'autre côté. Ouais. On fera un petit. Ouais, récap. Ouais, je propose à l'invité, vas-y. J'ai vu que t'as des trucs déjà. Ouais, mais ce sera très rapide, moi je vais pas épiloguer. Hein. Vas-y. J'ai marqué ce qui m'a étonné que tu ne l'aies pas dit, Malcolm. J'ai pas dit parce que je le regarde en ce moment. Oui, oui, oui. Bon, oui. Sorti en France en 2000. Putain, mais même toi t'as mis le 2 février 2000, exactement. Ah, les frangins. Ouais. On était bon à l'école. Non, mais attends, on bosse ou on bosse pas? Tu veux que je bosse? Tu regardais ça quand t'étais jeune? Ouais, je regardais ça quand j'étais jeune. C'est passé super longtemps. Il avait juste 5 ans, mais bon. Ouais, mais c'est passé combien de temps à la télé? J'ai dû regarder ça. Les séries que j'ai notées, ça devait être à l'âge de 8 ans. Voilà. Que je regardais. Malcolm, au moins, ça t'a appris toutes les bases de la vie. Voilà. Ensuite, j'ai noté Ma famille d'abord. Ah, ouais, ça, je l'ai pas mis. Alors, je regardais aussi, mais je l'ai pas mis parce que c'est pas ma jeunesse. Ça, c'est cool. Ouais, voilà. C'est monstrueux. Ma famille d'abord, c'est avec les Blacks, ça, avec 2001, ça, le frère Wyant. On avait 17 ans. C'est pas notre jeunesse. Mais ouais. Ma famille d'abord. Oui, oui, oui. C'est un des Wyant. Pardon, je sais pas. Après, j'ai noté le Dr. Who. Ah ouais. Première saison, ça, c'est en 2005. Dr. Who, par contre, du coup. Dr. Who, non. Wow. Ah putain, oui, ça, j'aurais pu le mettre. Mais ça, je l'ai regardé bien plus tard. Tu regardes ça? Mais oui, mais on a une génération d'écart. Oui, mais quand t'étais drôle, je veux dire, la science-fiction. T'avais 21 ans quand c'est sorti, mec. Moi, j'en avais 10. Il en avait 10. Oui, on a 11 ans d'écart. Il est pas obligé d'accrocher la science-fiction à 10 ans. Il n'a pas dit son âge. Si, il a dit 24 ans. 24 ans. C'est vrai, tu l'as dit? Oui, alors écoute un peu ce qu'on te parle. Après, tu vois, je dis le Dr. Who parce que je vais pas dire le destin de Lisa, tu vois. C'est le destin. Non, sinon, après, au niveau des séries non animées, j'ai tout ce que j'ai noté, parce qu'après les autres ont été dit déjà, donc ça vas-y. Notre belle famille. Bah, tu l'as déjà dit. Oui, non, j'ai dit Ma famille d'abord, c'est ce que j'ai dit. Les premiers. Ah oui, mais ça, ouais, non, mais Guise l'a déjà dit. Exactement, c'est pour ça que je ne le répéterai pas. Et autant pour toi. Ouais. Tout à fait. Ensuite, j'ai marqué Yu-Gi-Oh! Ça, pour le coup, c'est vraiment mon époque. Ouais. Ah oui. Voilà. Sorti en 2002. Ranma 2000. Alors, tu vois, ça, je l'ai dit. Ce qui n'est pas de ma génération, mais... Ça t'a marqué quand même. Bah, ayant des grands frères qui l'ont regardé. Oui, oui, t'as suivi... Est-ce que t'as essayé d'en regarder un épisode à l'heure actuelle? Non. J'ai essayé de regarder les deux premiers épisodes. C'est pas possible. C'est gnangnan. De ouf. Ah ouais. Mais alors que pourtant, l'histoire, il me semblait qu'elle était bien. Ah, c'était marrant. Ranma, ouais, c'est parce que c'est marrant, quoi. C'est tout, c'est... C'était... Ouais. De ce que je me rappelle, c'est avec que ça du recul. Je trouvais ça gnangnan. Alors, c'est peut-être très bien. Faut que j'essaye. S'accrocher. Essayez de regarder des épisodes comme ça. Ouais, ouais. Après, j'essaie. Là. Après, j'ai marqué Digimon. Putain, ça, je un dérivé de Pokémon. Je me rappelle juste de la musique. Ah, je trouve que ça a été sous-côté. Quand tu regardais Digimon, je buvais de la bière. Non, je pense que ça a été vraiment sous-côté. Il y a une époque où tu buvais plus, tu fumais plus, tu faisais plus rien. Okay. Ah bon? Oui. Je buvais plus. Bien. Ah si, mais c'est tout ce que tu faisais. Bon, remarque, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Ah, Digimon, je pense que c'est sous-côté. Ouais, ils auraient pu faire plus. Ouais. Après, le truc des. Le problème, c'est les mon. C'est birmon, micromon, capsulemon. Ils sont tous en mon. Avec... Forcément, avec Pokémon qui avait été sorti, ils avaient pas trop le choix au niveau des prénoms. Mais si. Mon, monster. Des capsulemon. Des capsulemon. Allez. Bah, du coup, après, c'est tout. Je ne vais pas m'attarder. Mais si, j'ai marqué Dragon Ball Z. Ouais. Bah, du coup, tu le grilles à Seb, celui-là. Épiloguer derrière. Tu l'as dit ça, le collège foufou? Je n'ai pas encore dit le collège foufou. Et je voulais le mettre, je l'ai viré, donc c'est bien que t'en parles. Putain, tu regardais ça, là? Ouais. C'était délire. Il y en a un qui me faisait flipper, celui qui avait des dents, mais énorme. Non, mais ils faisaient tous flipper. Ouais, c'est vrai. Il y en a une série qui faisait flipper. Il y en avait un qui était gay, ça se voyait bien comme il faut. Ah, mais si, je pense que ça doit être rigolo. Après, excuse-moi, je voulais faire une parenthèse sur Dragon Ball Z. Vas-y. En même temps. Ça, je pense que Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, ne dis pas Dragon Ball Super, déjà, dans ce cas-là, ça couvre plusieurs générations. Je pourrais dire Dragon Ball GT et toi, tu peux dire Dragon Ball. Je suis plus sur du Dragon Ball GT que du Dragon Ball. Pour moi, c'est un lot. Tu me dis Dragon Ball Z, c'est Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, Dragon Ball Super, Dragon Ball Mikui, Dragon Ball X3, Dragon Ball Multiverse. Multiverse. Le premier qui dit Dragon Ball Evolution, je lui fais bouffer. Dragon Ball Evolution. Arrête, c'est pas la table. Ça commence. Oh merde. Pourtant, c'était dur comme du bois. Bref. Et du coup, c'est tout. Du coup, c'est tout. C'est tout. Non, c'est le dernier, t'en as pas parlé. Je l'ai dit, j'ai dit Pokémon. T'as dit Pokémon. J'ai parlé de Digimon, j'ai parlé de Pokémon. Ma fille le regarde, ça, ce Pokémon. Ok. Elle a bien raison. Pokémon, ça s'est jamais arrêté. Non. Ah non, si ça s'est arrêté à partir du moment où ils ont dépassé les 150 Pokémon. Ouais, d'accord, la première saison quoi. Oui, voilà. Ah non, ils sont à l'eau là. Après le reste, 800 c'était Pokémon. On en a combien? Plus de 600, hein, je crois. Beaucoup trop. Plus de 840. 800. Ouais, il y en a énormément. T'arrives à connaître les 150 premiers, mais après, t'es. Même pas. Ok, donc c'est tout pour toi. C'est tout pour moi. Donc j'enchaîne. Du coup, je vais pas cliquer parce que le temps que la ligne charge, c'est long. Alors moi, c'est les animés d'abord. Donc moi, c'était Max et compagnie. Ah ouais. Donc, ah oui, Orange... tu kiffais ça, oui. Ouais, c'est... alors c'est un manga, en fait, c'est un life... Alors comment il appelle ça, mon collègue, un life... Life. Tranche de vie. Oui. Tranche de vie, c'est... Tu veux... voilà. Oui, c'est des mangas, en fait, où ça raconte juste la vie des collégiens, des machins, sauf que eux, leur particularité, c'est qu'ils ont des pouvoirs télékinésiques. Donc j'adorais ça, c'est un truc à l'eau de rose. Et je me rappelle, quand j'étais tout jeune, je pouvais pas voir le dernier épisode, alors je l'ai programmé le magnétoscope, je l'ai enregistré, je l'ai regardé le soir et je chialais comme une merde. Voilà. Donc j'aimais beaucoup cette série. Je me rappelle de la fin, ouais. Et j'ai essayé de le regarder récemment. C'est à l'eau de rose, ça peut passer. Ouais, je pense que je peux le mater, ouais. Nous on le regardait, donc... Moi je regarde en VF. Voilà. Bah, c'est au club en VO, il doit y avoir des changements quand même. Je pense. Ouais. Ranman demi, tu l'as dit, donc je vais pas épiloguer là-dessus. X-Men Evolution, alors ça c'est pas trop ma génération, je le regardais en 2000, mais j'adorais parce qu'en fait c'était une relecture de la série X-Men, où ils intégraient le collège, où Diablo il avait l'âge en fait de Cyclope pratiquement. Ouais. Et j'ai toujours le DVD à la maison parce que j'adore. Il y a eu que 4 saisons, ce qui est dommage, du coup en fait c'est le genre de série où t'as pas de fin. Et j'aime pas ça. Oui. Même une fin bidon. Mais une fin, putain, faites une fin. Ensuite, Ulysse 31. Oh putain. Et pourtant c'est vieux. C'est très vieux. Mais on regardait. J'adore la musique, l'histoire. Ouais. Donc c'est l'histoire du voyage d'Ulysse, l'Odyssée d'Homère. Oui. Qui est donc l'histoire d'Ulysse, qui voyage à travers la Grèce parce qu'il a défié les dieux et donc il ne doit pas retourner chez lui, mais dans l'espace. Voilà. Et c'est un manga qui est issu d'une collaboration franco-japonaise. Je savais pas. Ben si. Il n'y a que 26 épisodes, mais je trouve que moi, ça, c'est un manga qu'il faut prendre. Il n'y avait que 26 épisodes ? Oui, il n'y a qu'une saison. J'ai l'impression qu'il y en avait. Parce qu'il repassait tout le temps en boucle. C'est ça, en fait. Tu regardais pas ? Moi, j'adore. Le petit robot, là ? Oui, non, avec Nono. Nono, le petit robot. Enfin, j'ai mon oncle qui regardait ça, ouais. Ulysse. Ouais, moi, je pense qu'il faudrait même que je me prenne de couvrir. Nono, le petit robot, l'ami d'Ulysse. Ulysse. Mais j'aime bien. Et en plus, il y a des vraies références à la mythologie grecque dedans. Le cyclope, tout ça. Enfin, ça y est. Ouais, d'accord. En dessin animé aussi, les Animaniacs, ça me faisait délirer. Parce que c'était un gros. En fait, à chaque fois qu'on. Enfin, je tout coupe, mais à chaque fois qu'on aurait dû dire une série, on aurait dû mettre un générique. Ça nous aurait mis dans le truc. Ouais, et comme ça, l'épisode dure 3h30. Ouais, déjà que... les Animaniacs. En fond. Tu veux en fond. Vas-y, je te. Ouais, bien sûr, j'ai pas assez de boulot quand je monte. Il y en a qui doivent faire du Monster Hunter, mon petit. Si je monte, descends. Du Monster Hunter, s'il te plaît. Ouais, merci. J'ai une version pirate. Donc Animaniacs, j'aimais bien, il y avait plusieurs dessins animés dans des dessins animés. Il y avait les Animaniacs, il y avait les pigeons, il y avait Rita, je crois, l'écureuil. Nounou. Salut Nounou. Tout beau. Il y avait le... Tout beau poursuit Mindy. Quoi, il y avait... Bah, tout identitaire. Qui? Ah, les Animaniacs. Ben, Mini-C-Cortex. Cortex. Ah oui, il y avait Mini-C-Cortex. Ah, oui. Voilà, mais... Ils avaient leur propre dessin animé, non? Non, c'était... Ils ont eu leur propre dessin animé après. Ah, après, ouais. Mais bon, c'était les Animaniacs, moi j'aimais bien. Ah si, celui-là, il était une fois la vie. Enfin, tout est... il était une fois. Ah, ouais. Pas tous. Il y en a, ils me gonflaient, moi. La vie était très bien. L'homme... Alors, celui-là... Oh, merde. Alors, celui-là... Mais oui, la vie était très bien. Et ensuite, non, Les découvreurs, j'aimais bien. J'aimais moins. L'homme était bien. Non, moi, il y a juste l'homme, je crois, c'est il était une fois l'homme, c'est la musique, ça, celle de Schubert, ou je sais plus qui, là. Oui. Le générique, ouais. Il me faisait flipper. C'est vraiment pas mon truc. Ouais. Je sais pas si tu vois le générique. Ouais, je crois, écoutez, c'était un peu flippant quand t'étais gamin. Ouais. Ouais, à la fin, le mec, il court dans sa fusée, il s'envole et la terre explose. Il t'arrive que le générique, ouais, il passe. Ça me parle, ça, ouais. Le générique, je crois que c'est Schubert. Ouais, c'est un... Je suis pas sûr. Un truc comme ça, ouais. Non, c'est d'être une connerie, ce que je dis. Ouais, non, c'est... Mais... non, c'est pas faux, c'est pas faux. En tout cas, excellent. Il était une fois la vie sur ce qui. Donc, 26 épisodes, c'est français. Ça aussi, putain, mais j'ai l'impression qu'il y en avait plus. Ben oui. Et donc, ça raconte l'histoire de la vie des cellules dans notre corps. Très intéressant. Maintenant, on va passer aux séries. Donc, j'ai Sauvé par le Gong. Ah. J'adorais, avec Zach. Il y avait Zach, il y avait Screech, Slater, le beau gosse, Screech, le gros débil. J'aimais bien, ils s'en sortaient toujours. Dans la même veine, il y avait Parker Lewis, ne perd jamais. Ça, j'adorais. Ce truc de fou, avec Kubiak, l'acteur qui joue après dans Stargate, il me semble. Oui, ça doit être ça. Oui. Parker Lewis, j'ai pas son nom d'acteur. Dans Stargate Atlantis, je crois. J'ai plus son nom. Qui fait des apparitions dans Noob. Qui fait des... Non. Si. C'est lui. C'est lui. Ah, peut-être. Dans quoi? Dans Noob, la websérie. Il est dans la websérie Noob, il fait 2-3 apparitions. Dans la dernière saison. Parker Lewis. Ouais. Ne perd jamais. Les recherches de Guise. Ouais, c'est parti. Enfin, j'aimais bien quoi, c'était, ils avaient leur petit centre dans le lycée, synchronisation des montres, ils faisaient plein de conneries. C'était délire. Ils faisaient péter les plombs à la directrice là, Madame Russo. Madame Russo, ça me revient. Il y avait l'autre taré à côté qui la suit partout là. Ouais, l'espèce de gothique, là, j'ai plus son nom, mais ouais. Ah, c'était terrible, j'ai flippé. Charmaine, donc Guise nous a parlé, les trois sœurs Halliwell, donc Alicia Milano, qui est Phoebe, Prue, qui est ma préférée, qui est. J'ai plus son nom d'actrice, merde. Qui jouait dans Shannon Doherty. Et la dernière, Piper, qui fait que Charmaine parce qu'elle a rien fait d'autre. Peut-être qu'on l'a vu ailleurs. Mais... Ouais, le pouvoir des trois, et ça fait partie de la trilogie. Si, je suis con. Dans quoi? Si, vas-y. On la voit dans Pretty Little Liars. Elle fait la mère de. Exactement. Ah oui, c'est vrai. Ah, ouais, si. Exactement. Et donc, tu nous parles du caméléon, on a la trilogie du samedi direct. Tu vois. Parce qu'il a fait Buffy. Je l'ai pas vu. Merde, désolé. Notre belle famille, on n'en parle pas. Et la dernière, une des plus mythiques, la série des séries. Attention, roulement de tambour. La petite maison dans la prairie. Oh putain. Ça, je crois que j'ai regardé ça tout le temps le midi en rentrant de l'école. Tout le temps. C'était la petite maison dans la prairie. C'était pas le matin, c'était le soir. Oh putain, Charlene Galsy m'a fait chialer sa race. Avec celle qui joue dans Charmed. Ah bon? La petite qui tombe. Piper? Ouais. Ah ouais, remarque, elle a une gueule de Piper à se péter comme ça là. Ah bon? C'est elle. Qui connaît pas leur histoire à Charles et toutes ces conneries. Tiens, tu peux vérifier. Vas-y, vérifie. J'aurais pu mettre Dr. Quinn. Et voilà, pour mes séries, c'est tout ça. Oh, je raconte vite fait l'histoire de la petite maison de la prairie. Donc, ah oui. C'est la fameuse époque de la conquête de l'Ouest. Voilà, oui. Conquestory de l'Ouest. Et donc Charles, un petit fermier, amène sa famille dans l'Ouest et donc il va faire sa petite vie à l'époque. Je sais même pas quelle année c'est ça. 1700, 1800. Ouais, c'est vrai. Le train à vapeur venait d'apparaître. Voilà. Ça peut rebondir. Voilà, et Seb, je te laisse la main pour tes séries de ta jeunesse. Allez, mais on va continuer sur les séries. Je pense que celle-là, vous avez été mignon pour me la laisser, j'imagine. C'est Friends. J'ai même pas pensé. Ah ouais? Non. Ah, une série, mon pauvre. Friends, donc, paru en 1994. Donc, la vie de. Vous avez fait des recherches. 6 New Yorkais sur 10 saisons. Bon, cultissime. Moi, c'est un truc que je peux me regarder tout le temps. La première saison, c'est kitsch. Ah, la première saison, elle est vieillotte. Hein, ah ouais, tu l'as tu te dis, oh putain, ça. Ouais, j'aime bien. Mais ça passe, franchement. Bah, disons que c'est pareil, c'est une série que tu peux regarder n'importe quel épisode. Ça passe. Ah oui, franchement, ouais. Même sans suivre épisode par épisode, je veux dire. Oui, non, ça passe bien. Deuxième série, Tonnerre Mécanique. Oh putain, ça c'est cavé vieux. C'est vieux, mais j'adorais. C'est la moto, ça. Alors, ouais, pourtant, moi qui suis pas du tout dans le délire moto, mais j'adorais. Enfin, d'accord. C'était, alors là, je te vais même pas tenir. Non, je pense que t'étais pas né. Non. Et donc, en fait. Si même moi, j'étais pas né. Si tu veux, t'avais K2000 de la côté là, avec la voiture, t'avais Supercopter, et là, t'avais Tonnerre Mécanique, c'était la moto qui pouvait envoyer un rayon laser, il pouvait faire des super bons. Enfin. Attention, interlude de Guise, qu'est-ce que tu as rajouté? What, Seb? What, Seb? Non, la what? Maison dans la prairie. Si, je te montre. La petite qui tombe. Ouais. Laura Ingalls. Non, non, c'est pas Laura Ingalls, c'est Carrie. Sa petite sœur. Carrie Ingalls. Okay. C'est pas Laura Ingalls qui se casse la gueule. Ah ouais? Bah oui, c'est Carrie. Ouais, fausse intermède, ça me reprend. Waouh, ouais, super. Ça recoupé par des conneries pareilles. Mais okay. C'est clair. Troisième série, Code Quantum. Ah, oh, ça j'aurais pu le mettre. C'était vidéo, mais qu'est-ce que c'était? Non, bien. Non, c'était bien. Al est, je sais plus le nom du héros, mais Al, c'est celui qui avait son cigare, je crois. Oui, c'était son ange gardien. Donc en fait, dans le futur, il fait une expérience qui tourne mal et en fait, il arrive à apparaître dans certaines périodes du temps. Il voyage dans le temps. Il voyage dans le temps. Il rentre dans le corps des gens. Il rentre dans le corps d'une personne et en fait, il faut qu'il essaye de modifier une anomalie. Tu connais pas ça? Ah, pas du tout. C'est terrible. L'idée est terrible. Ça serait il y aurait une reprise aujourd'hui de ça, ce serait ça terrible. Passerait, ouais, grave. Et donc en fait, il avait un ange gardien, donc il était le seul à pouvoir voir, qui le guidait un petit peu. C'était un hologramme en fait. D'accord. Voilà. Donc c'était, oui, c'était dans cette futuriste. Ouais, oui. Mais c'était. Mais surtout que quand il prenait la place de quelqu'un, cette personne, elle, elle était téléportée dans le futur. Et elle sortait, oui, du. Oui, exact. Prise en charge par la société. Non, c'était super. Franchement bien. Dans la même idée, il y a Sliders. J'adorais. Je sais pas si tu l'as mis. Ouais, tu l'as mis. Je l'ai pas mis, mais j'aurais pu. Ouais. Ça aussi, ça pourrait ressortir, ça marcherait de feu de Dieu. C'est clair. J'ai l'impression d'être dans une autre dimension quand je vous écoute. Je suis Sliders. Sliders, tu connais. Non, le gars, avec ses commandes, il fait un espèce de trou de verre et tu peux voyager dans la dimension. Non ? Oh putain, ça me déboîte. Non, pour moi, là, c'est Portal. Là, c'est... Ouais, ouais, un peu dans l'idée. Et ma dernière série, j'ai tout vu. J'étais un gros fan, c'était Lois et Clark, les nouvelles aventures de Superman. Ah, j'adore. Oui. Bah, je l'ai pas mis, tu vois, j'aurais pu le mettre. Ah, j'ai adoré. Tu vois, je trouve qu'il fait bien Superman. Non. Ah oui, grave. Tu peux pas tout mettre. Bah, non, t'as 10 séries. Non, tu peux pas. Tu peux pas, ouais, ouais. Tu peux mettre une série. C'était. Tu peux pas 15. Celle qui est pointilleuse sur le fait que Superman c'est Superman et que Clark c'est Clark. Il ah oui, bien. C'est qu'il aime. Il le fait bien. Il y a aussi Lois. Terry Hatcher. Ouais. Ah, Vinod Diva, pour que je. Ah. Faut te rappeler lui. Non, ouais, c'est bien, ouais. T'as pas parlé des Tortues Ninja. Bah, parce que j'ai pas fait des animés. Il est dans les séries. Ah, d'accord. Mais c'est bien de non, suivre. Non, t'as dit le dernier, c'est pour ça. T'as le dernier série. Eh bien, série des animés. Non, non, c'est série des animés. Je peux juste jeter une bière la gueule. Tiens, regarde, t'en veux. C'est une série, je suis désolé. Ah non. Dans ses propos. Non, t'as coupé dessin animé et série, t'as séparé en deux. T'as fait 5 séries, 5 dessins animés, ce que je veux te dire. Non, bah, 69, c'est une série télévisée. Bref. C'est un dessin animé. Non, non. Enchaîne. Je suis pas d'accord sur ça. Un dessin animé, s'il y a plusieurs épisodes, c'est une série. Animé. Oui. Bah c'est ça. Et un dessin animé, s'il y a qu'un seul épisode, c'est un film. Ouais, d'accord. Mais je ne sais pas parce qu'on va revenir sur Carrie. Parce que Carrie, je la trouve pas, les gars. Je te montrerai. Ouais. Oh putain, ça y est. Donc, dessin animé. Olivier Tom. Ah, oh, ouais, il y a que toi. C'était, ouais. Je crois que c'était. Ouais. Moi, je suis pas fan. Je crois que j'ai même regardé ça. J'ai pas vérifié, mais je crois que j'ai même regardé ça avant Dragon Ball. Me semble. Enfin, c'était. Ah bon, j'étais bien dessus avant Dragon Ball. Ensuite, je ne vais pas revenir ça. Olivier Tom, je vais pas expliquer. Tout le monde sait ce que c'est. Les Chevaliers de Zodiac. Ah oh, bah, oui. Là aussi, c'était avec Dragon Ball et Olivier Tom. C'était une de mes trois séries préférées. Alors que la meilleure version, c'est quand même celle de Netflix, mais bon. Ouais, mais tu vois, pour en revenir à ce que disait la dernière fois, il disait effectivement, je le suis là-dessus, ses enfants, ils ont kiffé la version Netflix. Oui. Mais est-ce qu'ils kifferaient pas plus la version qu'on a connue, nous ? Non. Bon, faut tester. Non, c'est comme Rama 1,5. Tu crois que ça a mal vieilli ? Bien sûr. C'est sûr. C'est moins coloré, ils sont pas habitués à tout ça. Ah oui. Deuxième interlude, Guise avait raison, Carrie, c'est elle. Et c'est cette actrice, donc ce n'est pas celle qui fait Piper. Alors, je vous montrerai hors antenne et on rectifiera le tir. Ouais, ouais. Ce sera bon coup. Ensuite. Okay. Vas-y. Ben, on va dire ça maintenant. Là, tu l'as dit tout à l'heure. Donc, les Tortues Ninja. Bah, j'étais un gros mordu des Tortues Ninja. C'était le générique, il est classe. Le générique, il est classe. Oh, ouais. Les tortues, elles avaient chacune leurs propres caractéristiques, personnalités, tout ça. Tu te retrouvais dans une d'elles, t'en avais toujours une préférée. Enfin, bref. C'était génial. J'étais un. Même l'histoire était un peu chelou avec le technodrome, tout ça. Je faisais flipper Shrank. Crank. Ouais, espèce de chewing-gum. C'est un cerveau. Ouais. Cerveau dans un bit d'humain. C'est bizarre. Ensuite, quatrième série, Les Samouraïs et les Pizza Cats. Oh putain, je l'ai pas mis. Ça m'a étonné que tu l'aies pas. Ouais, c'est clair, j'adorais. C'était juste énorme. Mais c'est complètement barré, surtout. C'est hyper barré. Déjà contre des corbeaux qui sont des samouraïs qui arrivent à avoir un robot après. Oh, n'importe quoi. Ils étaient donc. Ils tenaient une pizzeria. Bah oui. Et la pizzeria, quand ils devaient partir en mission, il y avait un gros canon qui sortait de ça faisait un flingue. La pizzeria, ça faisait un flingue. Et ils partaient. C'était terrible. Mais ça, je peux le regarder, tu vois. Alors, parce que ça a le côté barré assumé. Ah oui, total. C'est complètement. Ah oui, c'est totalement barré, comme tu dis, c'est assumé. Et en dernier, j'ai choisi de mettre Freakazoid. Ah, toi t'es un fan de Freakazoid. Je suis un gros fan de Freakazoid. Je retrouve plus les épisodes aujourd'hui. J'ai cherché comme un taré, je les retrouve plus. Pas. C'était un super héros, mais version totalement déjanté, barré en fait. Okay. C'était Dexter, il s'appelait Dexter, il surfait sur le net, il est rentré sur internet et il s'est transformé en fricazoïde. Le super-héros, sans pouvoir, totalement con, débile. Le Gonz, quand il court sur eux, il tend les bras devant et il court comme Superman, comme s'il s'envolait. Et quand il s'envolait, il fait le bruit du vent et tout, mais il court partout. Et il est con. En fait, même dans le premier épisode, elle lui dit, sa copine. Il fait comme ça, il fait ah, je vole et tout, je m'envole et tout. Mais tu fais mes fricazoïdes, vous ne pouvez pas voler. Ah ouais, c'est vrai. Puis il se barre comme ça en courant en faisant. Ça, c'était délire. Mais c'est vrai que c'est introuvable. Et ça doit être du Cartoon Network. Non, ouais, un peu. Je pense, dans l'idée. C'est la Warner. C'est la Warner. Il y avait les Animaniacs. Ah, ils faisaient partie de. Ça faisait partie du truc. Enfin, c'était une suite un peu. Oh, ça devrait se retrouver. Si vous l'avez, n'hésitez pas à envoyer les liens. Ah ouais, je suis hyper heureux. Direct. C'est tout pour moi. Ah, c'est pas mal. Donc, gros dossier. Ah oui. Et donc, maintenant, on passe. Attends, non, j'en ai noté quelques-uns encore. Là, je vais pas épiloguer, mais c'est juste pour nous les rappeler. Ok, épisode. Laboratoire de Dexter. Non. Les gargouilles. Les gargouilles. Brave Star. Brave Star, ça chie. Ça. Street Shark. La force du faucon. Les aventures de Sonic. Ah ouais, ça joue. Power Rangers. Highlander. Heartbreaker à vif. La vie de famille, Nounou d'enfer et les incroyables pouvoirs d'Alex. Le dernier, je connais pas. Les incroyables pouvoirs d'Alex, bien sûr que tu connais. Non. T'étais fan, tu rigoles ou quoi? Ah non. C'était la fille qui avait eu des trucs chimiques sur elle et elle pouvait se. Non. Bah, c'est pas moi. Ah, c'était un autre peut-être. Là, ça me parle pas du tout, les incroyables pouvoirs d'Alex. Sinon, voilà, je voulais faire un petit aparté, je pouvais pas trop épiloguer dessus, mais j'ai. Lucie Amour et Rock'n'Roll, on en parle pas alors. Mais dans ces cas-là, on peut parler de tout. On peut parler entre 84 et 2005 si tu veux. Ouais, si tu veux, on peut y aller. La série Batman, tu l'as pas mis toi non plus. J'ai mis la merde et c'est sorti. Et pourtant, personne n'a parlé de la série qu'on regardait tous les dimanches. Ah, le cœur Texas Ranger. Putain, mais il y a pas qui regardait ça. Si, non, mais n'empêche, je crois que j'ai dû tomber dessus. J'ai vu que ça regardait le dimanche après-midi, il y avait 6 chaînes. Avant reportage. Si, mais après, il y a la bande à Picsou, parce qu'il y avait tous les Disney aussi, les Rangers du Risque, Tic et Tac. Super Balou. On peut aller loin comme ça. Ouais, il y en a des milliers. Donc, en tout cas, regardez des dessins animés, des séries, ça vous donne du baume au cœur quand vous en reparlez avec les gens. C'est ça. Et sur ces bonnes paroles, on va passer à une des meilleures parties de l'émission, le quiz. Et c'est le quiz. Donc cette fois-ci, c'est moi qui vous ai concocté mon petit quiz. Donc ça va être simple. Donc j'ai préparé quelques petites questions. 150. Oh attention. On va prendre la photo et le mettre sur Insta. Ah bah oui. Ça sera sous forme de charade. T'en as combien de questions? J'ai l'impression qu'il y en a gavé. Il y a 11 questions. Ah ça va. D'accord. Donc je vais vous poser des charades. Il faudra me donner La réponse. Mathias, ici présent, va tirer dans ma casquette un numéro au hasard pour chacun de vous et je vous poserai qui correspond à le numéro de la question. Il y aura une sorte de bonus Mathias. En gros, je t'explique, Nours. Je te pose la charade. Oui. Si tu ne peux pas répondre, mais que Mathias peut répondre, le point ira à ton concurrent. Ouais. Voilà, c'est tout. En fait, ça malus Mathias. Ouais, c'est un malus. C'est pas tellement un bonus Mathias. Si tu ne peux pas répondre et que Mathias peut répondre, c'est celle qui prendra le point. Ok, comme tu lui donnes la réponse avant, c'est bon. Ah qui? Ah non. Mathias. Non, il connaît pas. Mathias, je te laisse tirer un. Qui commence? Un numéro. Bon, vas-y, Seb. Tu veux? Bah, allez, j'y vais. C'est parti. Et genre, s'il trouve pas, est-ce que moi je peux trouver aussi? Si Mathias trouve pas. Si Mathias trouve pas, oui. Ok. Ah, donc en fait, je réponds pas, il répond pas, il peut répondre. Voilà. Et ah, ouais. Ouais. Fou, la feuille et le stylo. C'est pour vous noter les charades. D'accord. Pour vous noter. Attention, il y aura un temps. Pas plus d'une minute. Je pose une fois la charade. Voilà. Ok. Nous allons commencer par la question numéro 10. Numéro 10. Heureusement qu'il n'y en a pas 13. Attention. Donc ça va. Mon premier est un film préhistorique d'Alain Chabat. Mon deuxième, La Grande Aiguille, le fait en 60 secondes. Mon troisième peut servir d'appât. Mon quatrième est un article défini. Mon cinquième est le contraire du passé. Mon tout est un célèbre film de 1985. Je répète. Ouais, vas-y. Mon premier est un film préhistorique d'Alain Chabat. Mon deuxième, la grande aiguille le fait en 60 secondes. Mon troisième peut servir d'appât. Mon quatrième est un article défini. Mon cinquième est le contraire du passé. Mon tout est un célèbre film de 1985. Ok. Tac. Ouais, c'est bien d'avoir le papier et le stylo pour noter. Du coup, parler entre temps, parce que sinon. Oui. Alors Retour vers le futur. Bien vu. C'était ça. Ah, direct. Ouais, j'ai. Le greux, ça m'a. Mais bien joué. Tiens. Tu gagnes la carte. Oh merci. Elle est nickel en plus. Je prends en photo, elle est terrible. Autour de Nours. Only for gamers. Only for gamers. La question numéro 1. La question numéro 1. Tu es prêt Only for gamers? Grave. Tu fais quoi avec ton téléphone là? Non t'inquiète, vas-y. Je te poser, s'il te plaît. Oui mais c'est bon. Il se prépare pour un peu. Ah ouais, mais toi t'envoies le top avant même. D'accord. Pardon. T'attends d'avoir fini avant de le lancer. Oui. Mon premier sert à chanter. Mon deuxième est tranquille. Mon troisième contient plus de 200 os. Plus de 200 os. Mon quatrième est un organe composé de plusieurs couches de tissu. Mon cinquième est un rongeur. Mon sixième est un groupe d'atomes portant une charge électrique. Et mon tout est une multinationale informatique. Je répète. Ouais. Mon premier sert à chanter. Ouais. Mon deuxième est tranquille. Mon troisième contient plus de 200 os. Mon quatrième est un organe composé de plusieurs couches de tissu. Mon cinquième est un rongeur. Mon sixième est un groupe d'atomes portant une charge électrique. Mon tout est une multinationale informatique. C'est pas facile, voilà, c'est ça. Plus des charges. Ah, couillon, il y en a des faciles, il y en a des pas faciles. La fingération. Corration. Servoration. Micro. Corration. Micro-machine, c'est pas ça. Mon tout est une multinationale informatique. Microsoft. Multisoft Corporation. Putain. J'y ai pensé aussi. J'avais le micro, j'avais le nation, mais... Tranquille, c'est soft. Oui, non, j'ai compris. Waouh. Ouais, en fait, c'est vrai que c'est sympa, le stylo. Ouais, ça va être bien. J'ai gagné cette petite carte. Chaud. Autour de Seb. Nous aurions la numéro 8. La numéro 8. Je répète, la numéro 8. T'es prêt? Ça sort pas mal pour moi. Elle est où la réponse? Ah, je l'ai pas marqué sur celui-là. Mon premier peut être contemporain. Mon deuxième est un support pour le golf. Mon troisième est le monoxyde de carbone. Mon quatrième est une friandise au chocolat venant de Suède. Mon tout contrôle le froid. C'est parti, je répète. Mon premier est peut être contemporain. Mon deuxième est un support pour le golf. Mon troisième est le monoxyde de carbone. Mon quatrième est une friandise chocolat venant de Suède. Mon tout contrôle le froid. Ouais. Vous pouvez jouer chez vous aussi. Ah ouais. Tu t'es creusé la cervelle, mon coco. Ah, je vous ai dit que je vous ferai un quiz hors circonstance. Mathias, il doit répondre avant, en fait. Oui. Okay. Et ton... Je le répète. Vas-y. Allez, une peut-être contemporain. Zidane. Mon deuxième est un support pour le golf. À moi, alors. Mon troisième est le monoxyde de carbone. Mon quatrième est une friandise au chocolat venant de Suède. Mon tout peut contrôler le froid. Une réponse, un indice en bas de l'écran chez vous. C'est fini. Alors je dirais, j'aurais aucune idée. Odin. Non. Ah, ce n'est pas loin. C'est vrai. Ah oui. Ah ouais. Yes. Oula, t'as vraiment de... pas loin. Toi, t'as moins de 20 secondes. T'as entendu ce qu'il a dit? Tic-tac. Il a dit Odin. Mon premier peut être contemporain. C'est pas loin. Mon deuxième est un support pour le golf. C'est mon pas troisième loin. Est le monoxyde de carbone. Ah non, ça. Article Odin. Exact. Ah, bien vu. L'arrêt contemporain, le titre de golf. Co, c'est CO2. Et Dain. J'ai juste trouvé le Dain, c'est pour mais ça oui, que je Odin. Ben oui. D'accord, ok. Yes. Mathias, tirage au sort. Tirage au sort. Hop là, j'irai numéro 4. Numéro 4 pour Nours, du coup. Tu es prêt, Nours? Bien sûr. Mon premier est après bis. Mon deuxième est le moelleux du pain. Mon troisième est l'abrégé de non applicable. Mon quatrième est un héros d'Avenger. Mon tout est un film. Le Terminator. Exact. J'ai pas tout suivi, mais... C'était quoi le troisième? Mon troisième est l'abrégé de non applicable. Na. Na. Na, j'avais pas, d'accord, je n'avais pas du tout. Ça, j'ai bugué là-dessus, moi. Le numéro 3. Oui, je n'ai pas une petite feuille, c'est pour ça que c'est compliqué pour moi. Tu vois pas, mais je me frotte les mains. Ah, t'en as eu facile, là. T'en as eu un facile. Ouais, terminé c'est clair. T'es prêt, Seb? Vas-y. Mon premier est un taureau castré. Mon deuxième est la 9e lettre de l'alphabet. Mon troisième est contre. Mon quatrième est une boisson. Mon cinquième souffle. Mon sixième est le synonyme de mauvais. Mon tout est badass. Je répète, mon premier est un taureau castré. Mon deuxième est la 9e lettre de l'alphabet. Mon troisième est contre. Mon quatrième est une boisson. Mon cinquième souffle. Mon sixième est le synonyme de mauvais. Mon tout est badass. Ça te fout la pression si j'ai vraiment de tout ça. Ou pas. Concentré. Je suis complètement perdu dans toutes tes charges. Non, non, mais si, ça, tout se tient en fait. Mathias ne suit ouais. rien. Ah si. Le malus Mathias, il fonctionne bien, il donne la réponse à personne. Vite fait, c'était quoi les deux premiers? Mon premier est un taureau castré. Ouais, et mon deuxième, la 9e lettre de l'alphabet. Mon troisième est contre. Mon quatrième est une boisson. Mon cinquième souffle. Mon sixième est le synonyme de mauvais. Et mon tout est badass. Top. Là, je l'ai pas. Faut que je dise un truc au pif. Je sais même pas. Ah bah, vas-y au pif. Hein. Ken le survivant, il est badass. Non, pas du tout. Tu veux pas laisser répondre Mathias? Je n'ai pas la moindre idée encore une fois. Buffy contre les vampires. Bien joué. Bien joué. Alors franchement. J'avais vous quand il a dit taureau castré, je fais non, c'est Buff. Non, vous, c'est et Buff, après, je l'avais, mais j'ai pas. Et des Buff I. Et après, t'as tout la suite. Mon troisième est mais contre. Non, pourquoi le deuxième? Bah quoi? La 9e lettre de l'alphabet, c'est I. Oui. T'as dit, vas-y, répète le premier. Le premier, c'est un taureau castré. Le deuxième. I. La 9e lettre de l'alphabet. Et pourquoi j'ai noté autre chose, moi? Bah, je sais pas, c'est pour ça. Du coup, si t'avais Buff I, bah après, la suite, tu l'avais. Oui, parce qu'après, j'ai dit mon troisième est contre. Contre les vampires. Voilà. Ouais, je me suis perdu, parce que je n'ai pas noté un truc. Ok. La numéro 9. La numéro 9. Ouf. Ah, vas-y, il y a 4 à 1. 4 à 1, je suis dans la merde. Allez, attention, bah non. Elle est chouette. Tu peux gagner. Mon premier, Nours, est le contraire de bas. Mon deuxième est une céréale. Mon troisième est un pronom indéfini. Mon quatrième est nul. Mon cinquième voit le matin en anglais. Mon tout est développé par guérilla. Mon premier est le contraire de bas. Mon deuxième. Horizon Zero Dawn. Non, c'est plus faire qu'une égalité maintenant. On peut te péter là. La numéro 6. La numéro 6. Allez, Seb, c'est pour toi ça. Mon premier. Ball Z. Mon premier est le premier. Mon deuxième est un véhicule pour faire la guerre. Mon troisième est une peluche qui fait l'affiche d'un film. Mon tout est un jeu d'aventure. Mon premier est le premier. Mon deuxième est un véhicule pour faire la guerre. Mon troisième est une peluche qui fait l'affiche d'un film. Mon tout est un jeu d'aventure. Ouais. C'est pas un fait si je trouve. Mon premier est le premier. Mon c'est deuxième. Bien, mais... Donne-moi ça, toi, t'as pas soif. Il a dit vous allez en chier, mais il y en a qu'un qui en chie. Mon deuxième est un véhicule pour faire la guerre. Ça te dérange pas, hein. Mon troisième est une peluche qui fait l'affiche d'un film. Mon tout est un jeu d'aventure. Si je croise des keufs ce soir, tu leur dis pas que j'ai bu. Hein. Je leur dirais, dis d'une charade. Seb n'est pas très fort aux charades. Ah non, je suis carrément mauvais. Tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac. Mathias, t'as une idée encore ou pas? L'invité est encore moins. T'es sérieux? Moi, je joue pour la gagne, je t'aurais bien donné des indices, mais j'ai envie de gagner. Ah oh, bah là, de toute façon. Là, c'est la dernière, j'ai gagné. Là, je suis dans la merde, alors. Je vais dire un truc au pif, c'est pas grave, Charmed. Parce que par rapport au deuxième. Mon tout est un jeu d'aventure. Ouais, il avait dit le jeu d'aventure. Ouais. Le premier, pour faire la guerre, char. Ted. Le. Char. La peluche qui est Rothschild. Ouais, Jardine. Ah, ouais. Non. C'est Nours qui a gagné. Il me reste 4 fiches. Vas-y, envoie la sauce. Je l'ai fait pour faire le fun. Mais bien sûr. Allez, on a perdu ensemble. C'est parti. Pour tous 7, les deux. Le premier qui répond maintenant. Numéro 7. Oh, bah non, pas le premier qui répond, il trouve toujours plus vite que moi. 7. Mon premier est ici. Mon deuxième est un arbre de grande taille. Mon troisième sert à écrire sur un tableau. Mon quatrième est une plante potagère. Colin McRae-Rally. Mon quatrième est une plante potagère. Mon quatrième est une plante potagère. Mon tout est stupide. J'ai pas entendu parce qu'il m'appelle. Mon premier est ici. Mon deuxième est un arbre de grande taille. Mon troisième sert à écrire sur un tableau. Mon quatrième est une plante potagère. Mon tout est stupide. Là, je l'ai pas. Vous l'avez pas ? Mon premier est ici. Je dirais Matt. S'il est ici, il est là. Ok. Mon deuxième est un arbre de grande taille. C'est un pin. Ouais. Ah, lapin. Oh, les lapins crétins. Ouais, non, mais t'es... Eh ben, mon... Après... Je la critique un peu, ça, là. C'est pas hyper précis. Là, sur l'arbre de grande taille, t'en as des millions d'arbres de grande taille. Mais je pensais à un chêne. Moi, j'étais sur un chêne, moi. Après, c'est moi, j'étais chose. Sur un être, je sais pas pourquoi. Ouais. J'avais pas au bas au début. Après, là, faut que tu fasses le lien avec tous les autres. Ouais. Bon, celle-là, elle était pas très... Tu aurais dû dire, ça se vend dans une boulangerie. Tiens, ça se vend dans une boulangerie. Ouais, aussi. Le pain. À la limite, ça aurait été peut-être plus judicieux. Mon premier est un adjectif démonstratif. Il y en a plein, hein. Ah oui, ça aussi. Bah oui. Mon deuxième est le verbe faire, conjugué au passé simple. Mon troisième est le synonyme d'enlever. Mon tout est le résultat d'une expérience. Mon premier est un adjectif démonstratif. Mon deuxième est le verbe faire, conjugué au passé simple. Mon troisième... de français, là, mon, pote. Mon troisième est le synonyme d'enlever. Mon tout est le résultat d'une expérience. Enlever. Oh putain, ah, tu vois, je l'aurais pas trouvé. Pas les mots croisés, les gars. Non. Ah non. Donc l'adjectif démonstratif, c'est. C'est fait. Le verbe faire, c'est fi. Ou passé con, passé simple. C'est féroce. C'est férote. Toi, je la prends. Allez, il reste deux. Allez, la 11. La 11, putain, la dernière pour le mai. Mon premier est méga bien. C'est pas ton quiz. Toi, tu râles. T'es un rageur, c'est tout. Ah, mais sur les quiz, non, attention, il a la gagne. Hein. Mon deuxième est chaud en anglais. Mon tout est un jeu VR. Super hot. Allez, ça là, c'est la dernière. La c'est la dernière. Attention. Tire pas le papier, Mathias. Hein. Ça va rien. Allez, prêt. Mon premier est un mot vulgaire pour dire qu'on fait caca. Mon deuxième est heureux. Mon troisième peut être piétonne. Mon quatrième est une note de musique. Mon cinquième est le cri du karatéka. Mon sixième est un véhicule à deux roues. Mon tout est un créateur de jeux vidéo. Shigeru Miyamoto. Bien joué. Enfin, faut qu'il trouve surtout sur la fin. Ouais, mais... J'avais chié. Grand gagnant, Nours. Bam ! Avec toutes mes excuses. Oh ben non, c'est... Non, je m'attendais à autre chose que ça, honnêtement, j'ai été surpris. Et... Tu t'attendais à quoi ? Hein ? Ah bah un quiz. Et c'est un quiz ? Ouais, ouais, c'est des charades. Sous forme de charades. Mais c'est bien trouvé. Trouve l'adjectif qualificatif de l'imparcial du pluriel du. Ah mais couillon ! Du verbe revêtir. Ouais. Non. Je t'ai dit qu'il fallait t'attendre à autre chose que d'habitude. Ouais, mais t'as dit aussi qu'on en chierait tous les deux. Sauf que je crois qu'il y en a qu'un seul qui en a chié là sur le coup. Attends, il compte son pognon là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il en a trouvé 9. Hein. Ouais. Ouais. Ouais. Donc, genre... Non, il y en a une qui m'a donné. Effectivement, c'était. Franchement, ça s'est joué à 3 fois rien. C'est Firoz, il me l'a donné. C'est Firoz, il me l'a donné. En fait, il n'y a que 8. Bon. J'en ai trouvé 0. Bon, ben ça, c'était un quiz très intéressant de la part de Guise. Il m'a bien plu celui-là. Faudra en refaire d'autres. Donc pour info, je me suis quand même fait carotte le premier quiz que j'avais gagné et il m'a défoncé sur le dernier en plus. Ah, c'est bon, on arrête sur les quiz, on enchaîne sur la suite. Ah bah oui, quand ça t'arrange. Et nous voici maintenant, on va parler des jeux de course, donc on va parler un peu du jeu de course de manière générale. On va commencer, donc je vais commencer en fait par le premier jeu de course sorti sur borne d'arcade remonte à 1973. Il s'agit d'Astro Race, développé par Taito. C'est un jeu de course futuriste dans lequel on dirige un vaisseau jouable à deux joueurs simultanément. Donc on est en 1973, et ensuite on enchaîne donc par une sélection des chroniqueurs de Megeek et moi. Et donc on est en 1986. Et ben c'est moi qui vais commencer. Donc moi, en 1986, ben j'ai cité Outrun. Ah, tu vois, je ne l'ai pas noté. Voilà, Outrun qui est un des grands classiques, je trouve, du jeu de course. Donc, pour petit rappel, on est au volant d'une Ferrari. À ouais. côté de nous, nous avons notre passagère blonde et nous traçons sur les routes de Californie, comme ça en essayant d'aller le plus loin possible sans se cracher. Alors, Outrun sorti sur borne d'arcade. En premier. En premier. T'as pris la version main. Ouais, ouais. Moi, je le connais, la version Master System. Yes, alors, je crois que c'est un des jeux qui est apparu sur toutes les consoles. Ouais, ça a été décliné. Voilà, c'est un, donc c'est pour ça, j'ai préféré prendre la première version sur borne arcade qui est sortie au tout début. Le concept du jeu, tu t'en souviens ? Je viens de le dire. Oui, non, c'est un jeu. Non, mais le truc c'est, oui, après, c'est qu'on doit battre des adversaires, on doit d'abord rattraper son adversaire et après on doit lui défoncer sa bagnole pour passer à. Ouais, voilà. Après, comme c'était un jeu sur borne arcade, c'était surtout un jeu de scoring. On devait essayer d'aller le plus loin possible, on avait des checkpoints à passer pour pas se faire arrêter net sur la route et tout ça. Donc Outrun 1986. Ouais, c'est tout pour cette année. Ok, après on enchaîne par 1989. C'est encore moi. Vas-y, allez, ben, enchaîne. On le sent le vieux là, tu sais. Ah ouais, ouais, ouais, le daron. C'était pionnier, le Super Off-Road. Je sais pas si ça vous parle. Ça me parle pas du tout. En fait, tu te vois, tu vois le Micro Machine. Oui. Bah en fait, c'était le pionnier, c'est lui qui a lancé le la mode des petits jeux comme ça où du tu voyais dessus, en fait, du dessus juste tu voyais toute la course. Ça me parle pas du course. Tout. Moi ça me parle, j'ai beaucoup joué quand j'étais gamin. Donc sur Atari, j'imagine. Amstrad. Ou Amstrad. J'ai joué beaucoup sur Amstrad. C'était ça oui, ça c'est toi. C'était un de mes tout premiers jeux. Moi le premier c'est Outrun sur Master System. Ouais, voilà. Tu vois, donc on a tous commencé par des trucs comme ça, et moi j'avais commencé par celui-là, je pense. À Outrun, j'ai pas tellement commencé par celui-là, mais je l'ai cité parce que pour moi c'était un, oui. C'était un gros classique. Alors, tu vois, j'hésitais à mettre les mythiques dedans, mais je me suis dit non, je vais me concentrer sur ceux que je. Que tu connais. Que je maîtrise bien. Ouais, ouais, ouais, d'accord. Bah ouais. Enfin, vous verrez après. Donc pour 1989, c'est bon. On est bon. Tu penses que c'est encore moi ? On enchaîne, dans cette... on enchaîne ensuite par 1990, donc. C'est toujours, toujours toi, vas-y. Oh, le vieux de chez vieux, quoi. Hey. On sent les années. Pareil, j'ai joué sur Amstrad CPC, c'était celui-là j'ai beaucoup plus joué, c'était Lotus Esprit Turbo Challenge. Ça me parle, ça, tu vois. Ouais. Ça, je l'ai essayé en émulateur, mais il y a très longtemps. Ouais. Où le jeu, il est en turquoise et violet. Voilà, donc en fait... Bon, bah, tu pouvais conduire que des Lotus, ouais. Esprit, puisque c'était la marque qui était sortie à ce jeu. Et bah pareil, un peu. C'était pas un test drive ? Alors, de la franchise Test Drive ? Il y a eu des test drives avec les Lotus, ouais, mais c'était pas un test drive. Ça me parle, où on voit où tu peux avoir une vue, à l'époque, intérieure, où t'as les compteurs de vitesse et tout. Mm. C'est pas ça ? Non, non, c'est pas ça. Ah, bah je confonds alors. Là, la petite particularité, c'est qu'en fait, tu voyais tes passages où tu en fait, allais chez le mécano et te réparais ta voiture. C'était... Ah, non. Bon, t'es pas un truc foufou, mais. Dans la préhistoire, ça fait presque 30 ans. Hein. Voilà. Donc, sur Amstrad. Sur Amstrad, j'ai joué. D'accord. Après, on a 1991. Donc là, du coup, c'est moi. Donc moi, je suis sur Micro Machine, sur NES. Donc, tu en parlais justement, c'est un jeu de course à la vue du dessus, jouable à deux joueurs. Où chaque joueur dirige des voitures miniatures sur des circuits à une échelle humaine. C'est-à-dire qu'on peut se déplacer sur une table et donc y a des verres à éviter, des capsules de bière, une tablette posée sur un stand de coca, des micros, enfin... Et donc c'était un concept, et moi celui qui m'a vraiment marqué c'est le Micro Machine D3 sur PlayStation, mais sorti en 1998. Ouais. Voilà, c'est un des jeux les meilleurs. Oui, je t'en prie. Pourquoi t'en parles alors ? Pourquoi j'en parle ? Si c'est en 1998. Parce que le premier est sorti en 1991. Le concept de Micro Machine, après voilà, ça, j'ai sorti les concepts. Ensuite on a 1992, donc c'est moi qui enchaîne, toi aussi peut-être. Mais on a le même, je pense. Ouais. J'ai parlé de Mario Kart, donc pareil, moi c'est pas mon préféré, mais il est sorti en 1992, le premier. Donc le premier jeu de course et de combat motorisé, où on peut avoir des bonus et envoyer des malus sur ses adversaires, des projectiles, des carapaces. Ce qui a ensuite créé la mode, enfin c'est lui le premier, le pionnier de la mode de tous les jeux de cartes qu'on a vu. Des cartes, enfin des jeux de course, voilà. Voilà. Par la compétition, quoi, à combat. Et encore une fois, la puissance de l'époque, c'est qu'on se puisse refranchir Mario avec tous ses personnages. Donkey Kong, Yoshi, Peach. Et le jeu est bien aussi, les items qu'il te propose dedans sont excellents. Le mode 7 aussi de la Super NES, il faisait beaucoup. Le fait que le circuit pivote en même temps, pendant que tu conduis ton kart, c'est une force de la Super NES. Donc, forcément, je pense que la Mega Drive n'aurait pas pu le faire. Juste le fait de pouvoir pivoter le sprite. Je suis pas sûr. C'était mort. Je suis pas sûr. Merci le mode 7. Ensuite, on enchaîne en 1993 avec Ridge Racer. Donc, sorti en 1993 sur borne d'arcade, mais en 1994 au Japon. C'est le jeu de lancement de la PlayStation. Donc, sorti le 29 septembre 1995 en Europe. Développé par Namco, qui faisait à l'époque ses propres bornes d'arcade. Donc, c'est un jeu excellent où on a le choix énorme d'avoir 4 voitures et 4 circuits. Voilà. Donc bon, vraiment une conduite arcade, je pense qu'on a tous essayé, peut-être pas toi Mathias, non, peut-être pas moi, mais Guise a dû l'essayer. Oui, j'avais Ridge Racer. où la voiture glisse comme pas possible, quoi. C'est vraiment un jeu d'arcade. Ah, c'était, oui, c'était de l'arcade, de la course à carte depuis et dur, ouais. Clairement, donc, tu Mais à l'époque, on était bluffés. On était pas sur la voiture en 3D, c'était un truc de fou. On a tous des souvenirs sur Ridge Racer. Enfin, nous trois, en tout cas, on a des souvenirs sur Ridge Racer. Ah, après, la licence, elle a duré quand même. Donc, Ridge Racer, ouais, très courte, hein. Il y en a eu. L'autre marquant, je dirais, c'est le type 4. Le dernier de la PlayStation 1, ouais. Mais alors après, le dresseur. Moi j'avais. J'en avais eu un sur PSP par exemple, tu vois. Il y en avait eu sur PS2, je crois. J'ai jamais entendu parler après. Je crois qu'il y en avait une sur PS2. Je peux pas dire. C'est pour ça que je pense que ça a marqué un peu plus que ça. Ouais. En tout cas, c'était le fer de lance de la PlayStation. C'est même le jeu numéro 0001 ouais. De la PlayStation. C'est vrai. Après, donc on enchaîne en 1994. Avec Need for Speed, donc un jeu sorti sur 3DO, PlayStation et Saturn, développé par Electronic Arts. Donc c'est encore une fois un jeu de course arcade. Et donc là, on avait le mode face à face qui nous permet de jouer dans la circulation d'une ville, enfin d'une ville, d'une autoroute, on va dire plutôt. Et puis le petit fait marquant, c'est qu'on avait la police qui pouvait nous flasher et essayer de nous choper. Donc le début de la licence Need for Speed, qui elle, justement, Guise en a parlé en tout début d'émission, qui essaye de nous serrer. Voilà, donc ça c'est 1994 et donc c'était très joli. Enfin voilà, de toute façon on va pas dire. En général, les jeux de voiture, c'est les jeux les plus jolis des consoles. Parce qu'il n'y a pas grand chose à modéliser en fait. Oui. Tout simplement. Ça vieillit au niveau du gameplay, ça vieillit peut-être pas. Enfin, ça. C'est pas si moche que ça au niveau des graphismes et tout ça. Tu le dis si tu te fais chier, si tu veux booster un peu ta table avant. Écoute. J'ai pas l'impression. Si, je ne connais pas. Ensuite, 1995. On a le jeu Whip Out sorti sur PlayStation, développé par Psygnosis, qui est un jeu de course futuriste à la physique amusante et nerveuse. Donc il nous permet de contrôler des vaisseaux, des espèces d'aéroglisseurs, dans une course un peu aussi reliée à la Mario Kart, puisqu'on pouvait avoir des armes, des missiles télécommandés, des boucliers. Donc sorti sur PlayStation, et ça aussi, quand c'est sorti, c'était un truc de malade. Ah oui, à l'époque, ça l'a... Aéroglisseur. Ça avait créé un sorte de genre, ouais. Des futuristes, toute vitesse. Tu as joué récemment à la version HD. Ouais. Ce que tu disais au tout début de l'émission aussi. Ça a pas trop perdu de son charme. Donc on a déjà plusieurs types de jeux de course. Après, dans le truc futuriste, t'avais F-Zero aussi. Hein. Mais c'était sur Super Nintendo. Oui, c'est vrai. Non, celui-là, je l'ai pas noté, tu vois. Je l'ai noté en 92, mais j'en ai pas parlé parce qu'en fait, j'ai pas beaucoup joué. Je vais en parler quand même parce que effectivement c'est quand même. Moi, je pense que sans F-Zero on aurait peut-être pas eu Whip Out. Il y a des gens qui l'auraient imaginé, mais c'est. On fait toujours le comparant entre Whip Out et F-Zero. J'ai très peu joué à F-Zero, donc c'est pour ça que je suis pas bien placé pour en parler, mais oui, effectivement, il a pas tort. Ça a peut-être lancé aussi une mode des jeux futuristes comme ça. Des jeux de vaisseaux futuristes. Ouais. Toi tu y as joué? Oui. F-Zero. Je l'avais sur la Super NES. Bon, après, c'est loin, je me rappelle plus trop vraiment, mais je me vois y jouer. Ouais. Donc Mathias, lui, aucune une chance. Non, toujours pas. Non, non, mais tous les jeux que vous citez depuis tout à l'heure... T'as dit que t'as commencé à la PlayStation, on est déjà sur la PlayStation. Ouais, mais quand même, je jouais pas aux jeux de course aussi. Pas aux jeux de merde. Attention, je suis John Cena dans le monde. Très bien, donc on enchaîne sur 1996. Moi, j'ai Destruction Derby 2. Ah oui, le 2. Sur, tu vois, tu t'es pris le 2 parce que oui. C'est celui qui t'a marqué. Exactement, j'imagine. Sur PS1. Qui était sorti en 96. Moi je suis noté que, ouais. On est en 96 ou en 97? On est en 96. 96, ouais. Tu pouvais courir sur différents circuits, avec différents modes de jeu. Oui. T'avais un mode où tu pouvais subir un maximum de dégâts à tes adversaires. T'avais une course classique où il fallait terminer en tête, et tu avais le fameux Destruction Derby où il fallait terminer dernier. C'est dans le 2 ça. Dans le 1, il me semble pas qu'il y ait le mode d'arène. Je crois qu'il était dans le 1. Je crois. Je suis pas sûr, moi je me rappelle du 2, le premier circuit. Moi j'ai joué sur PC, mais ouais. Mais c'est. Ouais, t'avais c'est... les dégâts ouais, sur la voiture. Un genre. Qui s'est pas. Qui a pas perduré en fait. Non, qui a pas perduré. C'est dommage. Donc, dans The Crew, tu as que des arènes de Destruction Derby. Ouais. Ouais. Dans The Crew 2. D'accord. Mmh. Tu as un mode. Bien. Derby. Ouais. C'était bien pour passer tes nerfs. Ouais, grave. Ouais, puis pour le fun. Où tu te dis, oh regarde comment ça fait, le regard du capot, il a volé. Ouais, tu pars. On enchaîne direct sur 1997, je pense qu'on aura des choses à dire. Oh oui. Un petit peu. Allez, vas-y Mathias. J'aurais Moto Racer. Oh putain. Le con, c'est pas du tout celui que j'attendais, mais tu as raison. Il en fait partie. Développé par des petits Français. Ouais. Sûrement. C'est Delphine. Si, c'est Delphine Software. C'est juste que c'est l'un des jeux qui traînait dans les jeux de mes frères, et puis. Ouais, et Oui, il était excellent celui-là, bien sûr. Puis, il n'y avait que le mode cross et course. Ouais, c'est ça. Et pas encore le mode trial. Non, ça te parle pas. Non, non, non, trop vieux. Autant 1950... c'est un jeu que je me souviens auquel j'ai joué, mais. Ouais, Moto Racer. Je pensais qu'en 1997, on aurait parlé de Gran Turismo. J'ai noté. Peut-être. Mais c'est, c'est pas mon préféré, donc je l'ai pas noté. C'est pas mon préféré de la série, mais ouais, d'accord. Alors moi, justement, je l'ai mis dans les tops après, mes préférés. Parce que Gran Turismo, ça a quand même lancé. Oui, ça a lancé la grande mode des Gran Turismo. Ça, c'est sûr. C'est surtout 11 millions d'exemplaires. Ça a lancé plus que ça. Ça a vraiment lancé la mode de la simulation, auto. On sortait vraiment de l'arcade, on partait vraiment sur de la simulation. Physique, tu te rappelles, tu pouvais régler ta suspension, les suspensions, le taux de freinage, l'aérodynamisme. On partait vraiment sur de la simulation. Puis le contenu du jeu. Des voitures. Il y avait plus de 600 bagnoles. Ouais. Enfin, des déclinaisons de bagnoles, réellement. Ouais. 11 circuits. Comparé au au Ridge Racer où on avait que 4 circuits et 4 voitures, on a fait un bond. Oui, non, c'est sûr. On a passé un temps de... Ah, tu pouvais passer des heures dessus. De malade. On s'amusait à avoir toutes les bagnoles. Ouais. Fallait passer les permis. Et passer les permis. C'est pas facile, ça. Et le fait d'avoir des marques de voitures réelles. Oui. Aussi, en tant de quantité. Les cinématiques, les replays, c'était magnifique. Enfin... Ah, les cinématiques étaient belles pour l'époque. À l'époque. Et donc, on était en 1997. Ouais. Ensuite, on a 1997. T'as le jour du 97. Il y en a deux. Il y a V-Rally qui est sorti en 97. Ouais, ouais, je l'ai pas noté. Je suis pas fan de jeux de rally. Alors, moi, j'aime bien, donc je l'ai noté. Je l'avais. Ben là, pareil. On était plus dans de la simulation de course. Où ça glissait, de rally, taper les arbres. Il y avait même la destruction du véhicule, je crois. Dans V-Rally. Dans V-Rally. Dans V-Rally, la boîte de vitesse, ouais. Le moteur. Quand c'était pété, mais t'étais un peu con, quoi. Ouais. Et donc c'est peut-être pas le jeu de rallye que je préférais, mais pour moi, comme il a lancé la mode, je l'ai noté. Et en deuxième, je l'ai noté parce que celui-là, par contre, j'y ai beaucoup joué, c'est Diddy Kong Racing. Oh putain, alors j'étais à des années-lumière de noter celui-là. Pourquoi? Parce que pour moi, c'était vraiment the concurrent Mario Kart. Il est arrivé... Dans un style complètement différent. Ah, il est arrivé, tu t'attendais pas du tout à voir ça. T'avais l'aéroglisseur, l'avion et le kart. Ouais. Je crois que t'avais trois modes... T'avais un mode aventure, il était juste génial. Donc en fait, tu passais avec ton kart, t'essayais d'aller délivrer tes potes, tu devais récupérer des ballons, je m'en rappelle et tout. Le mode aventure, c'est un peu CTR, Crash Team Racing. C'est un peu comme le mode aventure de Crash Team Racing. Et les musiques étaient géniales, la maniabilité était super, donc franchement... Il y en a qui l'attendent, le retour de Diddy Kong Racing. Ouais, mais c'est développé par Rare. Et Rare, maintenant, ça appartient pas à Nintendo. Ben, donc, justement, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et Banjo-Kazooie, des suites, c'est sorti sur Xbox. Hein. C'est pas sorti sur 64. Il n'y a pas eu de suite, Banjo-Kazooie, sur Xbox. Banjo-Tooie, sorti sur Banjo-Kazooie, il n'y a eu que des 64, ouais. Il n'y a pas eu sur Xbox, Banjo-Kazooie. Banjo-Tooie, c'est sorti sur 64. T'es sûr? Ouais. Je suis pas sûr. Banjo-Kazooie, on parle. Non, je te parle de la suite, Banjo-Tooie. Ouais, je crois aussi. Bon, alors, vérification. C'est parti. Voilà. Donc, on est en 1997, ensuite on passe à 1998. Et en 97, moi j'avais Micro Machine V3, mais vu que t'en as parlé. J'avais pas dit 98, moi j'avais noté. Et je l'ai noté aussi en 98. Bah ouais. Bon, bah c'est pas grave, en tout cas, on est de toute façon sur une tente d'année. Non, mais c'est bon, il en a parlé tout à l'heure. Donc, on est toujours sur 1998, c'était peut-être toi qui l'avais mis du coup. Non. Donc, s'il y a personne, on enchaîne sur 99. 99, j'en ai noté quelques-uns. Vas-y. Le driver. Oh putain, j'y ai même pas pensé. En jeu de course? Il y a vraiment des courses à faire dedans? Ah oui. Ah oui. T'as un mode histoire dans lequel incarnes un policier. Ouais, t'as le mode poursuite. T'as le mode entraînement. T'as le mode voiture de police. Tu pouvais conduire un mode de voiture de police. Je m'en rappelle. T'as le mode as du volant où t'avais plusieurs types de courses. Poursuite, délit de fuite, checkpoint, jeu de piste, survie et traversée du désert. Putain, t'avais tout ça dans le jeu? Ouais. Je m'en rappelle pas du tout. Moi, je me rappelle surtout aussi de la première épreuve où il fallait faire les trucs, là, tu sais, les figures, le 180, tout ça. Ouais. C'est dans celui-là. Un souterrain, un parquet souterrain. Ce truc de ouf. J'ai rejoué il y a un petit moment de ça sur la Wii U. Sur la Wii. C'est hyper dur avec la Wii. Ah ouais. Avec la manette de la Wii, laisse tomber. Ah oui, oui. Ouais, surtout pour. Ah non, 99. J'ai Crash Team Racing. Je pensais de tout bien que tu l'avais noté celui-là. On a Mathias aussi sur tout le monde l'avait noté, je pense. Ah non, pas du tout. Même pas. Non. Bah après, on a fait 10 jeux aussi chacun, donc oui, jeu, c'est pas les. Team Racing, bon, c'est le jeu de course de cartes. Hein. Après ouais. Mario Kart et Digimon Racing. Qui ressortait justement, c'est Mathias qui t'a. Tout à fait. Qui m'a prêté le jeu. Qui t'a prêté le jeu du coup. En 2019 sur PS4. Mais du coup, moi j'avais noté, comme t'as dit tout à l'heure, c'était mon préféré, Wipeout 3. Comme on en a parlé tout à l'heure. Oui, non, mais tu vois, en 1999. Ouais. Donc tu vois, Xbox 360, Banjo-Tooie. Ils sont sur les deux, ouais, d'accord, mais je savais pas qu'ils étaient sur toi. Si, après ils ont récupéré la licence. C'était un petit aparté. Petit aparté, mais de toute façon, t'as le mec de Nintendo pour Smash Bros. Qui a dit que si vous voulez connaître la licence entre Banjo et Kazooie, allez sur Xbox. D'accord. Donc bon, voilà. Ça, c'est clair. 1999, du coup. C'est tout. Tout le monde a fini. C'est bon, on enchaîne sur l'année 2000. Oh putain, l'entrée dans le nouveau millénaire. T'as donné 2000, moi j'ai Gran Turismo 2. D'accord, donc toi c'est celui-ci que tu as noté. Ouais. Parce que moi j'aimais bien, je sais pas si vous vous rappelez, quand t'as acheté le jeu, tu pouvais frotter le CD. Gratter le CD pour avoir une odeur le pneu brûlé. Dégueulasse. Oh putain, ouais. C'est vrai. Oh, je me rappelais pas de ça. Ou d'ailleurs, il y avait deux CD différents. Et t'avais un CD pour l'arcade, un CD pour le mode carrière. Le bleu et le rouge. C'était énorme. Oh, et le contenu du jeu était bah, ça a été amélioré quoi comparé au. Amélioré, voilà, c'est. Ah oui, c'est une suite. Il est. Le jeu est sorti aussi en contenant une version. Une version contenant un troisième CD qui permettait de démarrer le jeu en possession du permis B, de 15 voitures de course et de 100 000 crédits. Ah merde. Ah, je savais pas non plus. Un petit bonus quoi. Un petit... Ouais, un truc pour les feignants, hein. C'est bon, le permis c'est B. Tu sais, le truc de radin, t'sais. Genre c'est la collector de l'époque. Non, mais c'était du DLC en fait. C'est le DLC, c'est bon. T'as commencé déjà, tu payes 10€ de plus, mais t'as déjà ton permis. Alors, t'avais un mode arcade et l'autre pour le mode Gran Turismo. Ouais, ça oui, ça je m'en souviens bien. Même que dans le 2, tu pouvais jouer Coralie en mode 2 joueurs sur le mode arcade. Ouais, exact. Si tu voulais jouer à 2, de toute façon, il fallait prendre le CD arcade. Donc là, on était en 2000, ensuite on passe en 2001. On a le jeu Burnout sorti sur PS2, GameCube et Xbox. Donc un jeu d'arcade avec des voitures donc, qui n'ont pas de licence réelle mais qui se déroule dans un circuit urbain. Donc on pouvait se balader à travers les villes, enfin pendant les courses. Oui. Qui est un jeu arraché, voilà, on devrait dire un peu c'est le concurrent des Need for Speed, mais sans les licences des voitures. On enchaîne ensuite sur 2002. Et bien en 2002, il y a justement Burnout 2. Mais voilà, oui, forcément. Où il y avait justement, ils ont intégré un crash mode. Le fameux. Qui a changé totalement la licence. Tu devais exploser ta bagnole. Ce qui m'a plu. Voilà, c'est ce qui a fait leur nom. Sinon. Alors, Burnout 2 qui est un des jeux préférés de Guise. Si, ça a été dit dans un épisode. Oui, mais c'est pas le 2. Si, non. C'est le 2, toi. Non, c'est pas le 2 qui dit. Point of Impact. Non. Ah, moi c'est le 3, c'est Takedown. C'est moi. Takedown. Ah bah t'as réécouté l'épisode mon copain. Toi t'as dit Point of Impact. Non, je crois que j'ai réécouté l'épisode justement il y a pas longtemps pour un truc et je crois qu'il dit Takedown. Vous pouvez pas tester, j'ai réécouté les épisodes au moins une fois tous les mois. Je suis sûr d'avoir raison. Il y en a un de vous deux qui le dit, c'est sûr c'est Takedown. Et ben moi c'est Takedown et lui c'est le 2. Il dit 2 Point of Impact. Peut-être. Non mais c'est sûr. Les Burnout ils sont tous bien. Ils se ressemblent tous. Hein. D'accord. Et ils se ressemblent. Donc on était en 2002 sur Burnout 2, ensuite en 2003. Burnout 3, quelqu'un ? Non. Non, mais moi j'ai noté Trackmania quand même. Moi aussi. Donc c'est sûr, c'est pas un jeu de course. Mais quand même. Quand même. Si. C'est très arcade. Mais ce coup-ci, on est sur les temps sur autour. Les temps. Sur les temps autour. Il n'y a pas de collision entre les participants. Et les pistes sont complètement barrées. On a des loopings, on a des tremplins. Il y a un éditeur de pistes. Et il y a un éditeur de niveau où on peut faire ses propres circuits complètement barrés. Donc sachant qu'on a eu la version gratuite Trackmania Nation, ouais. On a fait un peu de la Nantes tous ensemble. Je crois que t'étais là toi aussi. Ah oui, t'en as fait avec sûrement. Si, sur le Nation, si. Bah, ma foi, c'était bien fandard. Trackmania, je recommande. Ouais, il y a le dernier qui est sorti là, qu'on a sur PS4. Turbo. C'est mais Turbo. Je sais pas si ça a perdu son charme, mais j'ai moins accroché qu'avant. Moi aussi. Je sais pas pourquoi. Moi j'étais sur le Sunrise. De toute façon, il faut y jouer sur PC. Je trouve que c'est une licence qui correspond au PC. En tout cas, on passe ensuite en 2004. Bah, allez-y. J'ai noté Need for Speed Underground 2. Moi aussi, je l'ai noté, mais pas là. Tu l'as noté, mais pas là. Ouais, il est dans mon top. Ah. Ouais, c'est un de mes préférés. De toute façon, c'est le meilleur des Need for Speed. Ouais, entre le tuning, les courses de nuit, ouais, la ville ça. Ouverte. C'est à partir de ce moment-là que ça a commencé. Ah ouais, c'est un truc de fou. Et là, on avait limite un même RPG de bagnole, quoi. Mm. Trop délire. En 2004, Guise. Mais Burnout 3, Takedown. Hein. Du coup, putain, Burnout, une série qui a marqué, on a cité le 1, le 2, le 3, quoi. C'est clair. Pire que les Need for Speed. Le Takedown, oui. Donc avec le fameux mode crash. D'ailleurs, j'ai relancé une partie, quand tu vois les scores, tu fais putain, mais on a vraiment scotché comme des malades. C'est Jean-Marie qui scotchait comme un porc. C'est pas sur celui-là. Mais bien. Oui, il faisait des modes de drift. Non, c'est sur le carbone. Alors ça, c'est quand on était pété tous les... Enfin bref. Oh putain. On a fait des putains de records où à la fin, on commençait la voiture en drift. Tout le tour. C'était gagné bien. Bon, en tout cas, on passe en 2005. Ouais. Ouais, vas-y, quel jeu de voiture? Et là, je vais contredire Mathias. Mon Need for Speed préféré, le Most Wanted. Oh. Ah, il était pas mal, le Most Wanted. Il était... Le Most Wanted. Je connais beaucoup moins bien. Il était bien au niveau du scénar. Les musiques, la bande son, elle était juste terrible. Tu pouvais pas te balader dans la ville. Ensuite, t'avais un putain de peu. Tu pouvais relooker ta voiture. Ouais, vraiment, au top. Pour moi, le Most Wanted, ça reste le meilleur. C'est sur PS3. Je suis pas d'accord. C'est pour ça. Most Wanted, non? PS2, je pense. PS2, ouais, mais non. Tu pouvais pas te balader dans la ville, rien. Non. Le 2 est au-dessus. Ouais, moi, le Most Wanted, je l'ai. Je trouve qu'il y avait beaucoup moins d'options que dans le Underground 2. Histoire, en plus ils ont commencé à inclure des acteurs, pas des acteurs hyper connus. Et quelques petits acteurs, c'est pour s'en fout des... aller au truc. Non, mais c'était complet, c'était vraiment un jeu complet. Si pour toi c'est le meilleur, sur PS3. Sur PS3, Sur PS3, oh, excuse-moi, j'ai... En vrai, si je me trompe pas, je crois qu'il a existé sur Game Boy Advance. C'est pas impossible. Peut-être, ouais. Bon, enfin... Ah, lui dis pas ça, il faut qu'il vérifie après. En tout cas, le Most Wanted, c'est... Sur Wii U et sur PlayStation Vita. Il est très très loin de... 360. Pour moi, il est très très loin du Underground 2, mais bon. On passe ensuite en 2006. Non. Qui a quelqu'un en 2006? Enfin, un jeu de voiture en tout cas. Flatout 2. Alors là, ça c'est des amateurs qui vont connaître, c'est un jeu de cascade. Exactement. C'était juste pour ça qu'il était connu, pour les mini-jeux qu'il y avait à l'intérieur. C'est pas vraiment un jeu de course. Ouais, il y avait de la voiture. Oui, justement, c'est pour ça, c'est pas le thème jeu de voiture, jeu de course. Oui. Il faut, en fait, c'est un jeu où il faut faire des cascades, je crois. Des objectifs à remplir. On est en 2007. Vas-y. J'ai Stuntman Ignition. Oh, la même chose donc. C'est un jeu de course et d'action. Oui, mais c'est pareil, il y a des figures, faire des tonneaux, il y a des trompes sur la route. C'était un cascadeur, il fallait. Mais c'est un jeu de course. Ouais. C'est un truc à score avec d'autres concurrents. D'accord. Exactement. Moi j'avais plutôt Colin McRae Colin McRae Dirt, le premier de la licence sur PS3, donc un jeu de rallye qui est la suite de Colin McRae Rally. Voilà. Donc très bien, ou une super simulation où ça drift. Je sais pas si encore s'ils avaient intégré le Gymkhana. Je sais pas. Je suis pas sûr, en tout cas dans le processeur ça y est. Super jeu de rallye en tout cas, Colin McRae. Maintenant combiné sur le nom de Dirt. Maintenant c'est juste Dirt 4, je crois. Dirt Rally. Dirt Rally, je crois. Parce que moi j'ai joué au 3, j'ai adoré. Ensuite on est en 2010. Qui a quelque chose en 2010? Moi. Vas-y. J'ai Blur. Ah, Blur. Je crois qu'on a fait quelques parties ça. Ouais. Sur PS3 on a dû faire ses. Moi j'ai joué sur PC. T'es joué sur PC? Sur PC, ouais. Sur PS3 on y a joué. Je me rappelle qu'on y a joué sur PS3. C'est mon frère. Mon frère qui l'a. Oui, moi j'ai joué sur PC. On a des items et tout. Non, voilà, c'est un peu comme un Mario Kart. C'est un peu futuriste où t'avais des icônes. Sur le sol. Ouais, c'est ça. Mais après, sinon, oui. Mais c'est avec des voitures. Et c'est ça. C'était un mélange de Need for Speed et de Mario Kart. Quoi. C'est là qui était rigolo. Ouais. Moi, il me semble que j'ai joué. Si, on a dû jouer pendant les soirées. Oui. Ouais, sûrement. Oh, c'est sûr. Moi, sinon, en 2010, j'ai Split Second Velocity. C'est avec ta qui est la même chose. Mais pas du tout, ça n'a rien. Pas du tout. Ah non, c'est pas pareil. J'avais joué un peu à celui-là, c'est sûr. Le joueur il se plonge au cœur d'une émission de télé-réalité, déjà. Ouais. Et en fait, en faisant des dérapages, tu prends une jauge, en fait, tu remplis une jauge. Et quand ta jauge est remplie, tu peux appuyer et en fait, t'as pas d'item à balancer sur les joueurs, c'est le décor en fait que tu détruis. Tu fais ébouler un pont. Oui, le pont, ça me parle. Hein. Ouais. Je suis sûr que j'ai joué à celui-là. Ah oui, c'est sûr, tu l'as fait par Disney, je l'ai encore, je l'ai racheté. Je l'avais racheté. D'accord, ah ouais, tu l'as bien aimé alors. Mais Guy, je me rappelle, il avait torché celui-là. Ah, je crois que t'avais fait des heures dessus. Split Velocity. Tu pouvais faire effondrer des poutrelles. J'ai mis là, c'est faire le mécanisme de la boule. Destruction, elle arrive, bam, elle défonce tout le monde. C'est énorme. T'avais une putain de sensation de vitesse sur un jeu comme ça. Je sais que ça m'a plu en fait. Hyper bien. C'était bien. Et ce que je savais pas, il bénéficie d'une compatibilité avec les PlayStation Move. Bah bon. Ah ouais, ouais. Comment tu joues un jeu de voiture avec un PlayStation Move? Et je sais pas. Tu devrais essayer. Le volant peut-être, il y avait peut-être un style à la Wii, tu sais, un volant, je sais pas. Il est sorti sur iPhone. Ah ouais, en plus. Ça doit pas être la même qualité que sur PS3. C'est de la PS3, hein. Oui, c'est la PS3. Exactement. Je pense pas dans la qualité. Je pense pas. Enfin, sur iPhone, enfin sur iTunes. Ah, autant pour moi. Oui. On va tester, vérifier. Fallout 2, c'est bien. Je vais regarder juste pour voir si. Ouais, c'est clair. Ouais. S'il y a encore. Je vois pas. S'il y a encore. Critique pas le meilleur jeu. Mais ouais, je me rappelle effectivement que tu l'avais torché celui-là. J'ai pensé quand. Et on va terminer par un dernier jeu de course de notre sélection. J'ai nommé en 2014 The Crew. Il y a pas 2013. Ah non, je l'ai zappé. Ouais, je t'en prie, 2013, vas-y, enchaîne. Gran Turismo 6. Ah d'accord. Je l'ai bien kiffé. Ah si. Ah si. Putain, les mises à jour, elles arrêtaient pas de planter, bordel de merde. C'est le vrai, vraiment le dernier Gran Turismo 6 qui m'a fait kiffer. Après, il n'y en a jamais eu d'autres. Ah ouais, de toute façon, il n'y en a pas eu d'autres. Alors, c'est réglé. Gran Turismo Sport. Ouais, c'est ça, il n'y en a pas eu d'autres. Il n'est pas aussi bien, je trouve. Oh, le 6. Hein. Imagine, je veux faire des petits chiffres. 12 417 véhicules, 41 circuits. Oui, on a pris l'arme contre, mais c'est sûr que moi c'est pas mon préféré, enfin, hein, je peux le garantir. Moi je vous rejoins tous les deux, j'ai eu le 5, j'ai beaucoup plus joué au 5 qu'au 6. Le 6 était meilleur, mais je rejoins l'ours dans le sens où on n'avait pas, pas les connexions et tout ça, et les mises à jour, elles étaient PS3, c'est des couilles. Je me rappelle, je pouvais jamais faire les mises à jour. T'avais 2 Go téléchargés, ça plantait au dernier pourcent, tu recommençais depuis le début et puis tu pouvais pas jouer. Je me rappelle, j'étais dans mon ancienne maison. Je pétais un plomb. En Wi-Fi, je pouvais pas faire les mises à jour parce qu'elles plantaient. Mais oui. Et j'étais obligé de tirer un grand câble Ethernet que pour je branchais sur la box. Et à brancher sur ma box. Et même quand t'as l'opposé de ma maison. Mais même moi, ça plantait. Tu te rappelles pas quand on se faisait les temps avec JM et tout dessus? Ouais. Mais moi, je n'ai pas eu ce problème-là en fait. Ah bah c'est pour ça que tu l'as aimé. Non, hein, parce que... non mais parce qu'en fait, ma console. Elle était en filaire, t'étais en Ethernet. Non, ma console, elle est once dead. Elle est morte, ma console, j'ai perdu toutes mes sauvegardes. C'est là où je me suis racheté une autre console. Et j'ai arrêté de jouer à GT6. Ah, ouais, bah t'aurais eu ce problème, t'aurais pas kiffé. Eh oui, je m'en rappelle. Là, d'accord. J'ai tout perdu. Ah oui, t'as pas envie de tout recommencer. Bon, en tout cas, moi je passe sur PS4 en 2014 avec The Crew. Et je te suis. Qui est un MMORPG sur le jeu de voiture avec des épreuves éparpillées aux quatre coins d'une map, les États-Unis. Il y a un système de leveling, on peut modifier ses voitures, on a beaucoup de types de courses, on a du rallye, de l'asphalte, du monster truck, voilà, on peut rejoindre un pote et se faire des crashs en circulation, quand la collection le permet. Viens, je t'emmène voir la statue de la liberté. Bah ouais, ok, j'arrive. Trace. Même une fois, j'ai passé 1h30 à tracer entre les États-Unis pour aller de la côte est à la côte ouest. Le truc, c'est que c'est hyper long, quoi. C'est vraiment pas réaliste au point... Non, pas réaliste. Ouais, bon. Mais c'est hyper long. Mais c'est agréable. T'as les lieux... Un open world. Un bruit, en voiture. Voilà. Et ça, j'avoue, c'était très agréable. Et donc, on en est là à l'heure actuelle. Donc après, que vont nous proposer les prochains jeux qui vont arriver? Alors là, tu vois, j'ai pas cité de jeux récents, hein, perso, parce que je commence à décrocher un peu des jeux de course. Pourtant, j'ai aimé les Grand Turismo. C'est parce qu'il n'y a pas eu un Gran Turismo qui sort. Je suis sûr qu'il y aura un qui sortirait, là, tu le prendrais. Le Gran Turismo Sport m'a pas séduit tant que ça. Non. Moi, j'ai pris The Crew parce qu'il n'y avait pas de jeu de... Alors, sur cette génération, il n'y a pas de jeu de voiture. Il n'y a pas de jeu de voiture. Enfin, il n'y a pas de jeu de course qui m'intéresse. J'ai testé le dernier Dirt qui est très bien, mais la carrière est longue, donc je le fais pas. J'ai testé l'avant-dernier Formule 1... Bah, Formula One. Formula One. Ouais, non, mais non, la Formule 1. Qui est très bien, notre carrière est très complète, mais c'est long, je me lance pas dedans. Ouais, peut-être que Guizard, ils ont peut-être qu'il me faut la vraie suite de Gran Turismo. Gran Turismo Sport, pour moi, c'est pas la suite. Non. Il est bien au niveau de simulation, tout ça, mais c'est pas la suite que j'attendais. Je comprends bien. En tout cas, pour conclure cette émission, on va parler de notre top 3 des jeux de course. Qui veut en être rapide, c'est une globalité. Mon premier, ce sera les Gran Turismo. Ah ouais, toi, c'est pas non, un c'est en particulier. Pas un en particulier. D'accord. Les Need for Speed. Ah oui, j'ai pas de particulier. Les Test Drive, alors qu'est-ce qu'il y a? Les Burnout. Et les ah bah au moins. On va tous parler, au moins. Oui. Donc chacun sa petite spécificité qui te plaît. Voilà, exactement. Pour ma part, ce sera Need for Speed, Burnout. Ouais. Oh putain. Et Blur. D'accord. Eh bien, Seb, je t'en prie, vas-y. Alors, sur le premier, je vais rejoindre Guise. Je dirais la série des Gran Turismo. La série, carrément. Ouais. Vous n'arrivez pas à en départager. Hormis le Gran Turismo Sport, tous les et jeux. Et le 4. Le 4, je non, je peux pas. Enfin, Putain, le 4, je l'ai pas aimé. Ah non, il est naze, il est naze. Non, c'est le 3, tu confonds avec le 3. Le 3, non. Ouais, j'allais te dire, c'est, le 3 c'est pas le 3, parce que le 4, on l'a torché. J'ai jamais joué au 4, je l'ai pas aimé. Ah non. Si je me rappelle, la jaquette, elle est blanche. Ouais, c'est ça, si, non, si, c'est ça. T'as jamais joué au 4? Je l'aime pas. Mais c'est le meilleur. Non, c'est le 6 le meilleur. Non. Ouais, c'est. Ah non. Bref, donc toi, c'est le 6 le meilleur. En c'est deux. Pas le 6 le meilleur. Mais attends, bouge pas. Quand j'ai fait la capture d'écran et que j'ai mis les 300 jours, c'est sur le Gran Turismo 4, c'est sûr. On va appeler Sony et puis on. Ben non, ils vont te dire c'est le sport le meilleur parce que c'est le dernier, achète-le. C'est tout ce qu'ils vont dire. Ça me ramènera du fric. Non, le meilleur, c'est Gran Turismo. Il n'y a pas un truc concept. Ah oui, il y avait les c'est comme prologues. Des prologues. Les prologues, oh putain. Le prologue. Ouais. Putain, j'ai acheté. Comment t'enfler. Et j'y joue. En 2, j'ai mis Need for Speed Most Wanted. Et en 3, Super Mario Kart. Oh putain, Super Mario Kart, non. Ouais. C'est quoi ce top? Ah si, si. C'est mon top. C'est sur Super Nintendo. C'est mon top, oui. Ouais. Ben, prends-toi vraiment une Switch. Super Mario Kart sur Super Nintendo, c'est terrible. J'ai mis Super Mario Kart, ouais, bah c'était mon premier Mario Kart, mais je suis désolé, combien d'heures on a passé sur Mario Kart Wii? Je suis d'accord. Ah bon. Moi ça, bon. Bon. Alors, mon top, Gran Turismo 4 en haut, quel meilleur de tous les Gran Turismo. T'auras qu'à venir à la maison, la PlayStation 2 est branchée, il y a toujours les voitures dessus, tu peux y aller. En deuxième, c'est Mario Kart, mais le 8, le tout dernier, c'est le meilleur de tous les Mario Kart. Jouzy, c'est le... Enfin, quand tu auras les trucs, ouais. C'est le meilleur. T'as toutes les courses. T'as tous les items, t'as l'ascension de conduite, la glisse, c'est toujours aussi fun. Et en dernier, c'est Need for Speed Underground 2. Lui aussi, je peux le relancer, donc ça, par contre, ça a beaucoup vieilli. Ouais. Mais il me tarde du coup le hit, si tu me dis que ça se rapproche du Underground 2. Voilà, pour moi, c'est mes trois jeux de course préférés. Bon, je suis d'accord. C'était un petit débat sur le jeu de course, en tout cas. On a chacun notre opinion, mais sachez tout de même que Gran Turismo 4, c'est le meilleur. Voilà. Sur ce... De quoi? Mais écoute, rien à rajouter. On va clôturer là-dessus. Faites-vous votre avis. Mais jouez au 4. Dites-nous en commentaire quel est votre Grand Turismo préféré. Achetez-vous une PS2 alors. Achetez-vous une PS2, voilà, et kiffez ce jeu d'exception. Bon, voilà. Donc, c'est la fin de ce 9e épisode de Megeek et moi. Donc, je pense que ce sera un épisode qui sera beaucoup plus long que d'habitude. On a battu d'air, quoi. Voilà. Mais j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Allez, salut tout le monde! Salut à tous! Ça va finir en fin d'émission. Ah, peut-être. Serveur officiel. Oh, il y a du dot là. J'écris et je lis pas tout. Ah, sinon, t'en serais déjà 5 heures d'émission, hein!